Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à ce dernier Mardi de l'espace de la saison. On est ravis de vous accueillir une fois de plus ici au Café du Pont-Neuf pour ce dernier Mardi de l'espace. Je ne sais plus combien il y a de saisons, moi ça doit faire 10 ans ou peut-être quelque chose comme ça. Que 2011, ouais, ça fait donc 7 ans que cette aventure, ou 8 ans si on compte l'année 2011 elle-même, que cette aventure se poursuit. Et j'ai une bonne nouvelle, ça continue l'année prochaine. Mais ce soir, c'est l'accès à l'espace dont on va parler pour les années 2030-2050. Et comme à chaque fois, c'est Xavier qui ouvre et qui a des choses à nous dire sur le sujet. Longtemps, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Mais ça n'a pas de rapport avec l'espace, ça. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait son cœur. Oh là, c'est beau. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la. Tra la la la la la. Et dans longtemps, que sera le CNES devenu? Explorera-t-il toujours l'inconnu? Ce soir, découvrons tous ensemble le futur de l'astrophysique. Frédéric et Marie nous expliquent. Et oui, Frédéric et Marie sont avec nous. On va donc parler de l'accès à l'espace 2030-2050. C'est une époque formidable qu'on vit en ce moment. Les cartes sont complètement rebattues avec de nouvelles cartes, de nouvelles missions. L'imagination est au pouvoir en ce moment en matière d'astronautique et non pas d'astrophysique, mais enfin on aura rectifié. On parlait de lanceurs réutilisables. Ben voilà, maintenant c'est une réalité. Il y a des nouveaux lanceurs lourds qui arrivent. On reparle de façon un petit peu sérieuse, peut-être un peu plus qu'il y a 10 ans, d'aller sur Mars. Il y a une vraie envie d'espace, on le sent. Alors, comment est-ce que cette envie peut se concrétiser vers de nouveaux projets, vers 2030-2050? Aujourd'hui, on va parler donc de lanceurs mono-étages, de vaisseaux vers la Lune, vers Mars, de propulsion électrique, de propulsion à l'antimatière, nucléaire. On va faire un focus sur les matériaux aussi, avec l'impression 3D, les matériaux architecturés. On va parler de la manière de fonctionnaliser les structures. Vous allez voir, c'est absolument génial. Il se passe effectivement énormément de choses dans le domaine des matériaux. Bref, on va se projeter dans l'avenir. On va le faire avec vous. Je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir poser vos questions directement à nos deux intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Frédéric Masson et Marie Jacquesson. Alors, prenez un micro l'une et l'autre et dites-nous qui vous êtes. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Masson, je suis ingénieur projet au CNES à la direction des lanceurs et je m'occupe du transport spatial du futur, des concepts avancés à l'horizon 2030-2050, ce qui est pile dans le sujet de ce soir. Et Marie Jacquesson? Donc moi je suis Marie Jacquesson, je travaille aussi à la direction des lanceurs avec Fred, à la sous-direction technique. Et je suis chef du service structure thermique et matériaux. Et donc, on est amené à travailler pour la préparation du futur, mais aussi pour le développement et l'exploitation des lanceurs. Voilà. Donc, le chef de projet transport du futur au CNES, et puis la grande spécialiste des matériaux, une grande spécialiste en tout cas, parce qu'elle fait la grimace quand je dis la grande spécialiste, au CNES également. Alors, vous êtes d'accord, Frédéric Masson, pour dire qu'on vit actuellement une époque formidable? Il se passe plein de choses. C'est clairement une époque intéressante où il y a des lanceurs très innovants qui arrivent sur le marché. D'abord pour les lanceurs, avec les lanceurs réutilisables et qui coûtent de moins en moins cher. Donc l'accès à l'espace de moins en moins cher, ça peut nous permettre de faire de plus en plus de choses intéressantes dans l'espace. Il n'y a pas que les lanceurs, il y a aussi le transport spatial en général, les étages orbitaux, en particulier ceux qui utilisent la propulsion électrique. Ce qu'on appelle les étages orbitaux, c'est à la fois quoi ? C'est un satellite, un vaisseau, etc. Tout ça, c'est des étages les étages orbitaux, c'est ce qui ne décolle pas du sol, en fait. Vous avez besoin d'un lanceur pour l'amener en orbite. Et il va décoller, enfin, il va partir depuis l'orbite terrestre. Et ça permet d'avoir de la propulsion un peu moins punchy, qui pousse moins, mais qui est beaucoup plus économe en carburant. Donc un étage orbital, typiquement, c'est un vaisseau, on est d'accord ? Oui, c'est un vaisseau. Ok, parfait. D'accord. Voilà, et ça bouge aussi de ce côté, des étages orbitaux. Les étages orbitaux solaires électriques ou nucléaires électriques, il y a des projets d'envergure dessus, et c'est assez prometteur. Alors, en général, on commence à discuter ensemble, et puis on commence à regarder le fascicule après. Mais là, il y a tellement d'images que j'ai bien envie là, qu'on aille tout de suite... dans le dur, si vous me passez cette expression. Et donc, on regarde un petit peu là. Alors ça, on va passer la première page, on y reviendra. Peut-être qu'on peut aller à la deuxième, à la page donc, numéro 2, qui s'appelle « Lanceurs mono-étage réutilisables ». Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Hein. Oui, ils sont très beaux. Mais vous y croyez ? On va aller vers ça, effectivement, un jour ? Alors, je pense qu'on ira vers ça. Alors, comme vous le savez sans doute, un lanceur, ça a toujours plusieurs étages. On les allume les uns après les autres, on crame le carburant à les étages les uns après les autres. Une fois qu'un étage est vide, on le largue, parce que sinon c'est de la masse morte qu'on se traîne, et on n'arrive pas à envoyer en orbite des satellites suffisamment gros. Plusieurs étages qu'on jette de nos jours, ça c'est en train de changer, mais jusqu'à présent c'est ce qu'on faisait. Et du coup, le premier enjeu, c'est de récupérer le plus de choses possible, parce que ça baisse le coût du lanceur et ça permet de faire plus d'envois lanceurs pour un même prix. Les nouveaux lanceurs qu'on voit, ils récupèrent le premier étage, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à récupérer et c'est aussi ce qui coûte le plus cher, donc ça vaut vraiment le coup. Le step d'après, c'est ce que fait SpaceX aujourd'hui. Hein, ils récupèrent les boosters et le premier étage de la Falcon. Ouais. Et c'est ce que diverses agences s'attellent à faire dans un futur assez proche, dont le CNES. La deuxième étape, ce sera de récupérer aussi le deuxième étage. C'est plus difficile, il part plus haut et il a plus de stress thermique quand il redescend. Donc il s'échauffe davantage. Donc il s'échauffe davantage. Il faut le protéger davantage contre la chaleur. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça, c'est la navette spatiale, typiquement. C'est-à-dire, c'est la navette spatiale, c'est-à-dire que ce deuxième étage va rencontrer au retour sur Terre les problématiques que connaissait la navette spatiale. On voyait l'échauffement, sur le nez, il fallait avoir des tuiles protectrices. Oui, tout à fait. Ouais. Et la navette spatiale, elle était censée être réutilisable, elle l'était, mais il y avait beaucoup de travail à faire avant de la réutiliser. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est un deuxième étage où il y a beaucoup moins de travail. Finalement, il atterrit et on le relance. Et... Alors, ce deuxième étage, donc, il est difficile à récupérer. Et il va plus haut, il va plus vite aussi. Hein. Oui. Donc il faut le freiner davantage. Oui. Donc il faut, puisqu'il va falloir le freiner, il faut des moteurs à bord. Mm-hmm. Donc il faut davantage de carburant aussi sur place. Oui. Bref, c'est... Ça coûte en performance ce carburant en plus pour revenir. C'est ça. Et en plus, le deuxième étage, il coûte moins cher à fabriquer que le premier étage. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu moins intéressant à récupérer. Ouais. Mais quand même, il faut le faire. Oui, mais quand même, il faut le faire. Parce que quand vous avez un premier et un deuxième étage réutilisables, vous avez un lanceur complètement réutilisable qui coûte plus grand-chose entre chaque vol. C'est un petit peu le système de l'avion, finalement, où vous réutilisez tout d'un vol à l'autre et assez rapidement. Et ça ne coûte que le carburant, quoi. Et ça ne coûte que le carburant. D'un vol à l'autre. Et de la maintenance, de temps en temps, on ne pourra pas s'en passer. Mais c'est l'idéal. C'est l'idéal, voilà. Et si le step final, c'est plus qu'un seul étage... pas deux ou trois, un seul. Et là, on n'a plus besoin de remonter les étages quand ils reviennent, parce que tout est encore d'un seul bloc. Donc là, c'est vraiment l'idéal de l'avion qui va dans l'espace, qui atterrit, qui peut redémarrer tout de suite, et puis ainsi de suite, autant de missions qu'il le faut. Et donc, dans cette page, vous avez quatre très beaux exemples de lanceurs mono-étages qui sont tous réutilisables. Sur le papier. Sur le papier. Aucun n'a été construit. Parce qu'il y avait trois petits points et vous avez jeté sur le papier. Sur le papier. D'accord. Ils ne sont pas tout jeunes, tous ces projets, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors, les lanceurs monoétages, ça a été super à la mode dans les années 90. Et puis, il y a eu tout un tas de problèmes qui ont fait que ça ne s'est pas réalisé. Donc, il y a eu une pause, mais on peut penser que ça reviendra à un futur plus ou moins proche. C'est vraiment l'étape naturelle, une fois qu'on aura récupéré le premier et le deuxième étage. Alors, on en a quatre exemples. Vous voulez bien les détailler ? Oui. Alors, dans la colonne de gauche, vous avez des lanceurs qui utilisent de la propulsion aérobie. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'oxygène de l'air pour que le moteur fonctionne. Ce n'est pas ce qui se passe dans un lanceur classique. Dans un lanceur classique, vous avez des réservoirs d'oxygène liquide qui vont servir de comburant. Donc, c'est des très grands réservoirs. Et utiliser l'oxygène de l'air, ça permet de faire des réservoirs plus petits et donc un lanceur plus performant. Voilà. Dans un moteur fusée, normalement, on vole en dehors de l'atmosphère. Donc là où il n'y a pas d'oxygène, on a besoin d'oxygène pour la combustion. Oui. Et donc on est obligé de transporter son propre oxygène. C'est ce qu'on appelle le comburant. Donc il y a toujours, en général, il y a un carburant, il y a un comburant, oui, sur un lanceur. Il y a deux réservoirs. Voilà, c'est ça. Alors que là, du coup, on pourrait se passer d'oxygène liquide et en récupérant l'oxygène de l'atmosphère. Oui. Pendant le moment où on est dans l'atmosphère, parce, oui, qu'après l'idée c'est quand même d'aller dans l'espace. Alors il faut toujours un petit peu d'oxygène liquide quand on arrive dans l'espace. Voilà. Soit on le ramasse dans l'atmosphère pour l'utiliser plus tard, mais bon, ça c'est vraiment compliqué. Mais le mieux c'est de garder un réservoir d'oxygène beaucoup plus petit pour la phase en orbite. Voilà. Et puis colonne de droite. Ah bah, attendez, mais terminons, oui, là quand même. Il y a le NASP, là, le National Aerospace Plane. C'était qui ça? C'est la NASA? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il y a pour ça? C'était un projet NASA. C'était, oui, un lanceur américain au début des années 90. Bon, il utilise une propulsion vraiment innovante. C'est le scramjet qui est utilisé pour des applications militaires, mais pas pour des lanceurs. Et là, ils ont clairement pas réussi à le mettre au point pour le lanceur. Et en bas, vous avez le Skylon, qui est un concept britannique, avec l'entreprise Reaction Engine. Et là, il est toujours d'actualité, puisque Reaction Engine est toujours là, et travaille sur le moteur qui permet de réaliser ce lanceur. Et on a des contacts avec eux et des travaux communs. Alors, en dessous, oui, donc c'est le Skylon, c'est ça? Oui. Britannique. On y reviendra peut-être au Skylon, parce que lui, c'est vraiment un projet d'aujourd'hui. Hein. Oui. On y travaille actuellement. Oui, on y travaille actuellement. D'accord. Et effectivement, vous êtes en lien avec eux. Alors peut-être qu'on peut passer à la colonne de droite, ouais, du coup. Oui, la colonne de droite, c'est de la propulsion fusée plus classique. On ne cherche pas à utiliser l'oxygène de l'air. Il y a toujours un gros réservoir d'oxygène liquide et un gros réservoir d'hydrogène liquide. Et là, c'était deux projets concurrents le projet X-33 de la NASA, le Venture Star en haut et le DCY en bas. C'est le Venture Star qui avait été retenu, c'est lui qui avait gagné l'appel d'offres. Mais à la fin des années 90, ils ont arrêté le projet parce qu'il y avait plusieurs problèmes techniques. Un des problèmes, c'était des structures portantes trop lourdes. Un autre problème, c'était les réservoirs qui étaient censés être en composite et qui n'ont pas tenu le coup au remplissage. Donc, deux problématiques matériaux. Mais les gens continuent à travailler sur ces problématiques. Et on peut espérer qu'à l'avenir, ce ne sera plus des points durs qu'on ne saura pas franchir. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le Skylon une seconde? Il est magnifique. Oui, il est argenté. Moi, j'ai vu des photos de lui argenté. Il est brillant comme... je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais il est beau comme tout, il est tellement futuriste. Oui, on a l'impression qu'il sort d'une BD, mais il compte le faire voler, c'est le britannique. La communication est très réussie, oui. Ah, d'accord. Mais il est beau aussi. Alors c'est que de la com ou il y a du sérieux en dessous? Non, c'est des ingénieurs très sérieux qui sont issus de Rolls-Royce qui ont monté leur boîte. Et ça fait 20 ans qu'ils poursuivent le concept. Ils arrivent à avoir des financements de plus en plus importants, donc les gens y croient et les rejoignent. Donc on peut encore avoir des doutes sur le fait de réaliser un lanceur monoétage. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, mais un lanceur biétage plus classique serait certainement très intéressant avec le moteur qu'il développe. Donc non, ce sont des gens sérieux. Des gens sérieux, mais bon, vous avez quelques réserves sur la faisabilité. Oui, c'est des concepts très ambitieux. Ouais, très ambitieux, ouais. Comme d'habitude, il y a des réserves à voir. Et ils arrivent à le financer? Oui, ils arrivent à le financer. Ils arrivent à le financer avec des agences et avec le concours d'industriels qui sont intéressés par s'associer avec eux. Donc, il y a un beau travail de récolte de fonds à côté du travail d'ingénierie. Et alors l'idée, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a ce bec canard là devant, ces espèces d'ailettes Le bec canard, c'est pour stabiliser le lanceur, ouais. Au décollage et au retour. La stabilité de ce genre de lanceur avion, c'est vraiment un gros point dur à travailler. Et vous parliez du moteur qui était intéressant. Alors c'est à la fois un turboréacteur d'avion et un moteur de fusée, le tout imbriqué l'un dans l'autre. Donc c'est vraiment très innovant. Donc un moteur d'avion pourrait aller dans l'atmosphère, pour voler dans l'atmosphère, et quand on est dans l'espace, là, du coup, c'est le moteur fusée qui prend la suite. Exactement. D'accord. Imbriqué l'un dans l'autre, ça veut dire quoi? Ils ont des pièces en commun? Ça veut dire qu'ils ont, oui, la partie moteur fusée et la partie turboréacteur a des pièces en commun. Ben, les pièces tournantes du carburant sont en commun. La chambre de combustion est en commun, et puis tout le corps autour du moteur est en commun aussi. Alors on tourne la page, on regarde page 3, et là on a le DCX, c'était magnifique ça à l'époque, mais oui. ça date un petit peu quand même. Alors ça date un peu. Le DCX, c'était un très beau démonstrateur de McDonnell Douglas, de lanceur qui décollait verticalement et qui atterrissait aussi verticalement. Alors ça s'est arrêté à la fin des années 90, c'était censé continuer avec le Delta Y que vous avez à la page précédente, qui n'a pas été retenu dans l'appel d'offres, donc un échec relatif pour ce projet, mais tout relatif parce que le DCX a fait des petits, il a fait le New Shepard de Blue Origin, qui utilise un petit peu le même système d'atterrissage vertical. Le New Shepard, c'est un petit vaisseau qui est censé apporter des hommes à 100 km d'altitude. C'est un projet, près. Oui. Pour faire du, du tourisme spatial. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est un projet qui a les fonds qu'il faut et qui va déboucher. Qui va déboucher, d'accord. Et ensuite, cette méthode d'atterrissage vertical, c'est la méthode qui est reprise par SpaceX et petit à petit par un peu toutes les agences dans le monde. Et donc, c'est vraiment un précurseur. Parce que quand on voit des projets comme ceux-là, qui sont extraordinaires, mais qui n'aboutissent pas, on se dit, qu'est-ce que ça devient? Et vous nous dites, c'est pas perdu. C'est pas perdu, ouais. C'est exploité, ça renaît sous une autre forme. Donc ces démonstrateurs de ce type, c'est vraiment du super travail d'ingénieur, et c'est jamais perdu. Et de notre côté, on a un démonstrateur qui en cours. Nous, le CNES, ouais. Avec nos partenaires industriels. Alors, on va peut-être en parler un petit peu après. Oui, d'accord. Hein, on va regarder, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Entendu. On n'a pas d'image. Vous allez nous expliquer pourquoi on n'a pas d'image, quand même. Oui. Et peut-être qu'on peut discuter avec Marie également, Marie Jacquesson. Donc, vous êtes spécialiste des questions de matériaux. Alors, quand on a un lanceur monoétage comme ça, des lanceurs, des projets comme ça, quels sont les enjeux. Oui, les enjeux en matière de matériaux. Là, il y a des... On peut utiliser les bons vieux matériaux d'aujourd'hui, des alliages d'aluminium. Non, sinon on l'aurait déjà fait, en fait. D'accord. Non, voilà. Non, en fait, il y a les matériaux, mais il y a aussi la propulsion. Donc la propulsion, c'est quand même l'élément phare. Là, on n'en parlera pas beaucoup parce que c'est des matériaux très spécifiques, des procédés très spécifiques. Les matériaux dans la propulsion, les matériaux moteurs. D'accord. Mais si on parle de tout le reste, donc c'est-à-dire les structures porteuses qui vont être amenées à emporter la charge utile, les hommes, etc., dans l'espace, là, l'enjeu, c'est d'avoir des matériaux, mais pas que, qui sont extrêmement peu massiques et très performants. Un matériau peu massique. Pas massif, alors, je ne sais pas ce que ça en veut dire. En tout cas, très léger. D'accord, léger. Non, donc je voulais juste préciser qu'un matériau tout seul, ça ne fait rien. Et il faut absolument l'associer à un concept structural, un concept. Donc lorsqu'on parle d'un monoétage, par exemple, on va travailler sur la forme globale associée aux performances de pilotage, etc., permettant d'accueillir les moteurs et permettant d'aménager finalement les différents réservoirs, tous les équipements associés, l'avionique, les équipements propulsifs. Et bien évidemment, laisser un minimum de place à ce qu'on va envoyer là-haut, histoire de faire quelque chose d'utile. Et ça demande à travailler énormément l'architecture. Et cette architecture demande à être un peu astucieux dans la façon d'assembler tous ces éléments pour diminuer au maximum la masse à la fin. Et une fois qu'on a ça... Vous insistez sur l'importance du design. Donc moi, quand je remplis mon coffre de voiture, bah, je mets les valises comme ci, les sacs comme ça, et puis ça marche. Et puis je me dis, bah, si je mettais la valise de l'autre côté et le sac de l'autre côté, bah, ça marcherait aussi au final. Parce que vous n'avez pas de problème de performance. Quoi. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça ne marche pas comme ça dans votre monde. On aimerait bien. Oui, c'est ça. On aimerait bien, mais voilà, c'est pas du tout comme ça. On a une poussée qui est définie. Ouais. Hein. Bon, ouais. Finalement, c'est pour ça qu'on parlait des moteurs. C'est eux qui vont faire la donnée initiale sur ce sur quoi on peut compter pour nous extraire de la gravité. C'est surtout ça la problématique. Donc ça, c'est une donnée d'entrée. Donc il faut qu'on sache mettre en place un design qui permette d'avoir un ratio masse sèche sans masse d'ergol acceptable, le plus petit possible, pour justement qu'on puisse être le plus performant possible. Ce qu'on appelle l'indice constructif. Les ergols, hein, c'est ce qu'on appelle c'est le carburant et le comburant. C'est le carburant, hein, pour le dire vite. D'accord. Tout à fait. Donc c'est-à-dire avoir le maximum d'ergol, le maximum de carburant pour la plus petite masse quantité de masse sèche, c'est-à-dire masse de structure nue, finalement, qu'on va se traîner, quoi, qui va permettre de transporter ces ergols, justement de les stocker dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent alimenter les moteurs de manière correcte, donc avec les bonnes températures, les bons débits, etc. Et puis protéger ces réservoirs des environnements extrêmes qu'on rencontre à la traversée de l'atmosphère et qu'on peut aussi rencontrer là-haut dans le vide spatial. Et également proposer une architecture qui permette d'embarquer tous les équipements associés, donc toute l'intelligence d'un véhicule, les systèmes d'avionique, les systèmes électriques, les systèmes d'équipements propulsifs, les vannes, toutes ces petites filasses là. Ça vous intéresse qu'on regarde ça, la page 11? On peut. Oui, c'est lié à notre affaire. Oui, tout à fait. Ok, alors regardons la page 11 qui s'intitule « De nouvelles architectures ». Est-ce que vous pouvez nous la commenter? Parce qu'on voit qu'à gauche, on voit quelque chose qui ressemble à... Ça, c'est du monoétage? Tout ça, c'est du monoétage, à votre avis? Alors ça, c'est du monoétage. Tout ça, c'est du monoétage, d'accord. Alors peut-être qu'on peut revenir plutôt à l'image d'Ariane. On va regarder page 10 d'abord. L'existant, les Ariane. Donc à gauche, on a une Ariane 5. Donc, à droite, l'Ariane Next qui volera quoi, en 2030, quelque chose comme ça? Alors Ariane Next, on va dire 2025-2030, ce serait la suite logique d'Ariane 6. Oui. Qui irait dans la continuité de diminuer les coûts d'une Ariane 6 tout en améliorant la performance si possible. Donc améliorer la performance, ça veut dire améliorer le nombre de kilos de charge utile qu'on emmène là-haut. Alors là, on se pose la question du design. Il vous semble que le design d'une Ariane Next est très différent du design d'une Ariane 5? Il sera différent sans qu'on le voit. Oui. En fait, de l'extérieur, vous voulez dire. Oui, voilà. Non, en fait, on aura encore des lanceurs qui seront assez traditionnels dans le sens où on aura des structures très élancées, donc plutôt des ensembles de cylindres cônes qu'on va venir assembler comme ça, avec probablement des étages qui vont booster, donc les boosters qu'on a sur Ariane 5, qu'on appelle les EAP, pour donner justement une flexibilité et la performance requise. Ce qui est intéressant dans Ariane Next, c'est justement la recherche de la diminution du coût. Oui. Donc lorsqu'on diminue les coûts, quand on décline ça au niveau du lanceur, on le décline au niveau d'un moteur, donc on va essayer de développer des moteurs bas coût. C'est un projet en cours qu'on appelle Prométhée, par exemple. On va essayer de développer des moteurs qui utilisent des ergols, donc des carburants, comburants, dont la mise en œuvre est facilitée et donc moins chère. C'est pour ça qu'on va vers le LOX méthane, l'oxygène liquide, méthane liquide. Et non plus, on n'utiliserait plus l'hydrogène liquide. Et moins l'hydrogène, qui est plus complexe à mettre en œuvre. Compliqué à mettre en œuvre, compliqué à stocker. Et le LOX méthane a cet énorme avantage d'avoir des volumes associés qui sont relativement équivalents. Les densités sont assez proches. D'accord, on aurait des réservoirs de LOX, donc d'oxygène liquide, et des réservoirs de méthane qui seraient de même taille, c'est ça? Voilà, et ce qui veut dire que du coup, on peut espérer faire le maximum d'éléments structuraux communs aux deux réservoirs et donc, de fait, diminuer les coûts de fabrication. D'accord, pas besoin de fabriquer deux réservoirs complètement différents, mais deux réservoirs un peu semblables, c'est plus facile. Donc la recherche de coûts sur un lanceur futur à l'horizon 2030, c'est d'essayer d'industrialiser au maximum les éléments structuraux. Donc quand je parle des structures, et d'essayer de trouver une façon de mettre en œuvre les matériaux la moins chère possible. Donc ça veut dire des procédés automatisés, des procédés où il y a peu d'erreurs derrière, des procédés où on maîtrise au maximum les défauts, et éventuellement on sache apprendre des défauts qu'on a fabriqués pour améliorer au fur et à mesure de l'exploitation du lanceur les aspects fabrication et donc la maîtrise de ces structures. Alors, du coup diminuer les niveaux de conservatisme qu'on prend quand on dimensionne ces trucs-là. D'accord, donc réduire les marges, quoi, les marges de sécurité, voilà, c'est ça. Réduire les contaminants. Alors, aujourd'hui, un réservoir, grosso modo, c'est un bidon, vous me disiez quand on a discuté, c'est un bidon et on met des bidons les uns au-dessus des autres, hein, finalement. Ouais. Et donc, on a cette structure élancée, bon, qui convient très bien. Le problème, c'est que quand on veut avoir un lanceur monoétage, il faut commencer à avoir des ailes pour, quand on revient sur Terre, pouvoir se freiner. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres contraintes encore. Et donc, il va falloir modifier l'endroit, la géométrie. Là, il y a de quoi jouer, en fait. Sur le design, oui. Voilà. Ouais. C'est vrai, quand on part sur le monoétage, on sait qu'on a une série de moteurs, mais on va dire un étage. On sait qu'on doit embarquer du carburant. On sait qu'on doit avoir une surface portante à un moment ou un autre. Donc là, on peut commencer à jouer sur les géométries. Et c'est pour ça qu'on regarde le Venture Star, le DCX, le DCY, on voit que les formes commencent à se différencier de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, on a un volume dans lequel on peut beaucoup plus travailler pour être plus intelligent dans l'architecture et l'aménagement des réservoirs, des équipements, etc. Je ne dis pas qu'on arrivera à tout faire mieux, mais on peut plus jouer sur la forme des bidons, par exemple. On peut imaginer un ensemble de sphères, des tores, des bidons. Des tores, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un pneu. Hein, vous voyez, un donut, voilà, c'est ça, un donut, c'est ça. Donc des réservoirs en forme de donut. Enfin, c'est une idée, mais ça serait intéressant, ça. Ça peut être intéressant si on a besoin de gagner de la place, d'occuper la place par des ergols, mais qu'on n'a pas un cylindre, quoi. Donc, on peut tout à fait imaginer avoir des assemblages, et le donut permet d'avoir de la place au milieu, utilisé par un autre ergol ou des équipements ou des éléments structuraux qui ont des fonctions diverses. Sais-tu ce que je mastique ? Un donut peu massique. Comme un pneumatique, il est léger, mais il y a un hic. Cette pâte fantastique est comme le mastic. Elle sèche tellement vite qu'elle devient aussi dure qu'une brique. Aïe, ah, c'est pas facile, ça. Alors revenons à nos nouvelles architectures, la page 11. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce document ? On voit, il y a différentes couleurs, je ne sais pas si elles correspondent à des choses particulières. On reconnaît des variantes des designs des années 90. Là, à droite, le FSSC5 ressemble beaucoup au Venture Star, quand même, que vous avez en page 2. Le numéro 3, ça ressemble beaucoup au DCY. Le numéro 4, ça ressemble plus au concept qu'avait proposé Boeing pour le concours X-33 et qui reprend un petit peu un design de navette spatiale. Et le numéro 1, c'est un petit peu la même chose. Donc, bon, il y a quand même une marge de manœuvre quand on étudie des nouveaux lanceurs. Mais bon, à force, on finit par retrouver des formes qui se ressemblent les unes aux autres, je trouve. Là, ce qu'on peut juste dire, c'est que c'était un ensemble de concepts qui avaient été, on va dire, réfléchis et prédimensionnés dans un cadre de programme ESA, donc ce qu'on appelait le FESTIP à l'époque. Oui. Donc c'était effectivement pile poil fin 90, début 2000. D'accord. Et après, ce qu'on peut voir là sur la partie, sur l'espèce de simili DCX là. Le numéro 3, c'est ce qui est à gauche. C'est le numéro 3, FSSC3. Voilà. FSSC3. C'est mieux de le dire, effectivement. On peut voir qu'on a commencé à jouer un petit peu avec des architectures réservoirs qui ne sont pas tout à fait communes, quoi. On pourrait aller plus loin, hein, mais par exemple, on a le bleu qui est réservoir de hydrogène. Donc, on voit qu'il y a deux ensembles de réservoirs qui sont plus ou moins imbriqués l'un avec l'autre. Ah oui. Et le vert, c'est des réservoirs d'oxygène liquide, où on les a séparés pour justement occuper au maximum l'espace. Et la partie rouge, c'est la baie charge utile. Voilà. C'est la charge utile. Hein. C'est ça, l'emplacement où on peut mettre ce qu'on a besoin d'y mettre, donc satellite, fret. D'accord. C'était pas habité à l'époque, mais en tout cas, voilà. D'accord, bref, on peut commencer à s'amuser. Ouais. Ok, donc voilà, on a fait un petit début sur les lanceurs monoétages réutilisables, qu'on verra peut-être arriver vers quoi, 2040, 50 ? D'accord. Vers 2040-50. Mais alors, il y a plein d'autres sujets dont on peut parler avec vous. On a à peine évoqué la question de la propulsion. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a des images de films également dans notre petit fascicule. Mais moi, j'ai envie de vous passer la parole et puis que la conversation, comme à chaque fois, comme au Mardi d'Espace, aille dans le sens que vous allez décider. Donc voilà, je viens à vous et je vous passe le micro et vous discutez directement avec les intervenants. Non, c'est vous qui avez dit un truc, je me demandais pour quel siècle c'était, parce que vous avez dit propulsion antimatière, ça m'a paru un peu bizarre quand même. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Alors propulsion antimatière, là on va se projeter effectivement pas mal dans l'avenir quand même. Là. Oui, on se projette vraiment dans le futur avec la propulsion antimatière, on peut dire entre 50 et 200 ans, c'est vraiment pas pour tout de suite. Mais oui, 50, c'est encore dans le siècle. Hein. C'est encore dans le siècle. Ah mais c'est encore dans le siècle. Alors l'antimatière, ça existe déjà, c'est pas de la science-fiction. Les chercheurs du CNES en produisent, les chercheurs du CERN, pardon, en produisent à Genève dans des accélérateurs de particules, mais ils en produisent des quantités infimes avec des rendements très très faibles et on est très très loin de fabriquer les plusieurs tonnes d'antimatière qu'il nous faudrait pour le joli vaisseau que vous avez en page numéro 1. Voilà, page numéro 1, ça c'est pour vous, c'est le vaisseau d'Avatar. Hein. Oui, tout à fait. C'est le vaisseau d'Avatar, donc... Et pour vous, ce vaisseau, il fonctionne à l'antimatière ? Alors, c'est pas dit dans le film, non. Mais on peut assez bien l'imaginer. Il est très très bien fait, ce vaisseau. Hein. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Si vous allez de droite à gauche, vous avez un bouclier contre les petites particules que vous trouvez pendant le voyage. Ah, le petit cerf-volant, là, à l'avant, c'est... Le petit cerf-volant, c'est un bouclier, d'accord. C'est un bouclier, voilà. Okay. Parce que quand vous allez très très vite, près de la vitesse de la lumière, la moindre poussière que vous croisez pendant le trajet est capable de tout casser. Ouais. Donc il faut un bouclier. Il faut qu'il soit costaud alors. Il faut qu'il soit costaud. D'accord. Ou magnétique. Ensuite, vous avez des éléments tournants que vous pouvez distinguer au milieu du corps central. Un élément tournant au milieu du corps central. Alors voilà comment on va appeler ça, d'accord ? Donc il y a le cerf-volant à droite, voilà. Donc il y a le bouclier. Ensuite, vous avez une espèce de longue tige. Voilà, une longue tige. Voilà. Et sur la tige, il y a deux espèces de trucs. Alors on peut penser que c'est des habitations. Et c'est ce que vous appelez les éléments tournants, c'est alors, ça ? Alors, ceux qui sont sur la tige ne tournent pas. Mais par contre, vous en avez des plus petits, là, qui sont à côté de la tige. Ah oui. Et on imagine qu'ils sont branchés à la tige et qui vont tourner autour. D'accord, c'est des choses toutes petites. Hein, voilà, pour c'est le des coup. Choses toutes petites. Voilà. Et ça permet d'imiter une gravité pour garder une gravité pendant le voyage. Et tout au bout, vous avez l'ensemble... Tout au bout, donc complètement à gauche. Complètement à gauche, oui. Vous avez l'ensemble propulsif. Alors pour vous, ça, c'est la propulsion. C'est la propulsion. Ah, d'accord, voilà. On vit pas là-dedans, on vit pas dans tout ce qui est non, à gauche. Non. Là. Tout ça, c'est la propulsion. Ah, oui. On vit dans le tout petit machin qui est au milieu. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, qui normalement devrait être assez grand quand même. Donc, la partie rouge, on peut imaginer que c'est la tuyère, avec beaucoup de radiateurs pour évacuer le trop-plein d'énergie dans l'espace. Et les boules centrales, on peut imaginer que c'est du carburant. Donc, il faut du... S'il y a du carburant, on n'est pas dans les systèmes déformation de l'espace-temps qu'on voit souvent dans la science-fiction. Non, c'est du carburant. Et c'est du carburant suffisamment énergétique pour emmener ce gros vaisseau de la Terre vers Alpha Centauri en 4 ans. Et un carburant suffisamment énergétique pour faire ça, il faut l'antimatière. Ou quelque D'accord. chose d'équivalent. D'accord. Alors racontez-nous, l'antimatière, comment ça marche ? Il me faut une particule de matière, une particule d'antimatière, et qu'est-ce que je fais avec ça ? Alors vous les faites se rencontrer. Alors je les mets en contact l'une avec l'autre. Vous les mettez en contact ouais. l'une avec l'autre. Ça va produire beaucoup d'énergie. Et une cascade de particules plus petites et qui vont très très vite, à une vitesse proche de la lumière. Et c'est ces particules que vous pouvez injecter dans une tuyère pour avoir une tuyère extrêmement efficace et qui va consommer très très peu de carburant pendant le voyage. Donc la tuyère, c'est l'endroit voilà. qui oriente, si je puis dire, la poussée, c'est voilà, ça ? Voilà, c'est l'endroit où vous générez la poussée. Voilà, c'est ça. Donc j'extrais toutes ces particules qui sont nées de la collision entre une particule de matière et d'antimatière, donc extrêmement rapidement, par les tuyères, et puis comme ça j'ai ma poussée. Voilà. D'accord. Alors attendez, on fabrique de l'antimatière, mais comment l'antimatière, d'après ce que j'ai compris, si je la mets en contact avec la matière, ça fait boum. Oui. D'accord. Alors comment est-ce que je garde mon antimatière sans qu'elle touche la matière finalement ? Alors il faut une bouteille antimatière. Oui. Et donc, mais ma matière, ma bouteille, elle est en matière. Alors c'est une bouteille magnétique ouais. qui crée un champ magnétique à l'intérieur de la bouteille. Votre antimatière, elle est chargée électriquement. Elle va être sensible au champ magnétique. Et donc le champ magnétique le maintient au centre de la bouteille et elle touche jamais les parois de la bouteille. Voilà. Et en plus, il faut un vide extrêmement poussé dans la bouteille, bien sûr, parce que la moindre particule de gaz... Ça fait boum. D'accord. Ça fait pas boum, mais ça fait disparaître l'antimatière au fur et à mesure. Ah oui. Et là non plus, c'est pas de la science-fiction. Les gens du CEA et du CERN ont des bouteilles d'antimatière pour faire leur expérience. Et encore une fois, il y en a très très peu dedans et ça dure pas très longtemps. mais ça existe et c'est utilisé. Bon, d'accord. 50 à 200 ans. Alors, monsieur. Vous disiez que les hommes habiteraient dans la petite structure du milieu. Et je voulais savoir si vous aviez une idée de la taille, du coup, de la fusée. Et le nombre de personnes dedans, vous savez, on ne dit pas ça. Le nombre de personnes, oh, plus, je pense qu'il y a... Je ne me rappelle pas trop du film. Entre 50 et 100, peut-être. 50-100 personnes, oui. Donc, il faut les caser quelque part. Bon, je ne sais pas. Plusieurs kilomètres pour la taille du vaisseau. Ah, le vaisseau fait plusieurs kilomètres. Je pense, oui. D'accord. Donc, voilà. Le vaisseau fait quand même plusieurs kilomètres de long. Voilà, d'accord. Il faut se rendre compte des choses, quand même. Monsieur. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui ferait que, par exemple, une architecture comme FSC4 ferait qu'elle soit plus rentable économiquement qu'un shuttle de la NASA, parce que bon, ça y ressemble, mm-hmm. mais d'un point de vue des matériaux et des coûts de carburant, voilà. Qu'est-ce qui fait la différence en fait d'un point de vue rentabilité? Bah, c'est exactement ce sur quoi il va falloir travailler pour pouvoir démontrer qu'on sait le faire. Donc sur la partie structure en tout cas, ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de fabriquer des matériaux et des structures extrêmement légères à bas coût. Donc c'est vrai que le matériau léger dont on parle tout le temps et qui est quand même assez efficace, ce sont les composites à fibre de carbone, à résine polymère, on va dire. Ça peut être thermoplastique, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sauf si vous le voulez. Il y a des moyens de fabriquer des matériaux composites qu'on commence à maîtriser de mieux en mieux et qu'on sait de mieux en mieux rendre automatisables, c'est-à-dire et dont on sait aussi utiliser l'intérêt du composite à son juste besoin. On va dire depuis... Alors ça, on le fait pour le spatial. L'aéronautique le fait aussi beaucoup. D'ailleurs, nous, dans les lanceurs, généralement, on a des nuances de matériaux qui sont celles de l'aéro, parce qu'elles nous suffisent en termes de performance. Et puis, les industriels les qui... Nuances de... Les nuances, donc les couples... On a des nuances de matériaux, ouais. C'est-à-dire... C'est-à-dire des couples fibres matrices. Quand oui. On parle de composite, ce sont des fibres. Ouais. Là, on parle de fibres longues, c'est celles qui sont vraiment performantes. Hein. Des fibres qui sont noyées dans une résine. Des donc, fibres noyées dans une résine. Voilà, on peut regarder peut-être page 15 exemple, pour qu'on comprenne bien les matériaux composites. Page 15. Donc l'image A de la page 15. Donc, alors. Là, ce que vous avez justement dans cette page, la 15, l'image A, c'est typiquement ce qu'on appelle un pré-imprégné. C'est déjà un composite qui est fabriqué en bande pour qu'on puisse justement ensuite le draper pour pouvoir fabriquer la structure finale. Ce donc drapage... Ça, donc ça, ce sont des fibres. Oui. Dans une résine, hein, c'est voilà. Bien ça, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis quelques décennies maintenant, allègrement dans les avions, ça c'est clair, de plus en plus. La 380 est connue pour avoir un taux de composite le plus élevé du marché, juste avant le 777. Et on l'utilise aussi beaucoup dans les skis, dans les vélos, enfin, c'est quelque chose qui est connu. Par contre, ce qui est intéressant dans ce composite, qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment, c'est le fait que ces fibres ont des performances qui sont très bonnes dans le sens de la fibre, de fait. Et des performances, c'est-à-dire ? Des performances, c'est-à-dire qu'elles ont une tenue et une rigidité. C'est-à-dire que je peux tirer dessus et ça va tenir. Voilà. C'est très costaud. En traction, ouais. Notamment, et parfois en compression aussi. La en façon compression aussi, parce que là, évidemment, le film est souple, mais ça peut être rigide et donc ça marche aussi en compression. Parce que là, c'est pas encore cuit. En fait. Voilà, c'est pas c'est encore cuit. C'est pas encore polymérisé. Pas encore polymérisé, voilà. D'accord. Donc on utilise des bandes comme ça qu'on va venir placer, et l'intérêt, c'est de venir placer ces fibres, donc ces pré-imprégnés unidirectionnels, parce que c'est la fibre qui est dans une seule direction, dans l'orientation du transfert d'effort. C'est-à-dire quand l'effort, il est dans ce sens-là, on va essayer de mettre au maximum des fibres dans ce sens-là. Juste à côté, on aura un autre cas de chargement, on appelle, où l'effort sera plutôt dans ce sens-là. On aura intérêt à mettre les fibres dans ce sens-là. Histoire, donc vraiment, on peut faire un truc à façon. Donc, c'est-à-dire un matériau, par exemple, une surface, si je peux dire, un panneau, si je ne sais pas comment l'appeler, Il peut avoir des fibres composites avec plusieurs... orientations. Plusieurs orientations, selon les fibres, hein, pour qu'ils soient optimisés en fonction des efforts qu'il va falloir faire dans les directions qui sont anticipées. On sait déjà dans quelle direction les efforts vont se faire. Exactement. Ouais. Et donc, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on le fait, mais de manière un peu brutale, dans le sens où on va venir étaler nos fibres sur ce fameux panneau là, sur tout le panneau. Or, on sait que, dans les différents cas de charge qui vont avoir, que va devoir tenir ce panneau, on va se rendre compte qu'il y a des zones qui sont très peu chargées. Donc, pourquoi aller mettre du composite à ce niveau-là ? Très peu chargées, c'est-à-dire des très peu, très qui vont devoir transmettre peu d'efforts. Ouais. Alors que d'autres vont devoir en transmettre énormément en fonction de l'architecture. Encore une l'effort, fois, l'effort, c'est quand ça tire, c'est quand ça pousse. C'est quand ça pousse, ça cisaille, voilà. Et donc, ce qui est intéressant avec le composite, maintenant qu'on maîtrise mieux, c'est avec les procédés de fabrication qui ont énormément évolué, c'est qu'on peut encore plus mettre là où il faut la matière. Parce qu'on a des procédés qui commencent à mettre des bandes et qui viennent faire des applications véritablement de manière complètement optimisée. Et ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus dans l'aéronautique, du coup dans le spatial, parce qu'on est juste derrière. Et c'est ce qui permet de vraiment faire du vrai composite, et pas ce qu'on appelle le black metal, c'est-à-dire faire du métal qu'on transforme en carbone, mais sans utiliser l'intelligence de composite. Alors la question de monsieur, c'était quand même, on avait la navette spatiale, on a des choses, là, page 11, qui ressemblent à des navettes. Pourquoi est-ce que les futures navettes seront moins coûteuses que les anciennes navettes? Et vous avez commencé à répondre avec les composites. Donc les composites peuvent y aider. J'ai commencé à répondre avec les composites, parce que les composites vont apporter la légèreté nécessaire pour que ce monoétage ait un sens. Il va apporter aussi normalement les réductions de coûts nécessaires pour que ce monoétage soit acceptable économiquement parlant. Ça, c'est le premier chantier. Et ce qu'il faudra qu'on fasse, et ça, c'est pas encore gagné, c'est que ces composites-là, il faudra qu'on sache les maintenir, les revalider lorsque l'engin reviendra au sol, à moindre coût et donc à moindre effort. Donc il y a un peu de boulot à faire, mais on va dire qu'on est quand même pas mal aidé avec ce que fait l'aéronautique. Et puis ce qui est intéressant, juste, je mentionne, c'est que les composites, ils sont aussi pas mal tirés par l'automobile aujourd'hui. Parce que l'automobile met beaucoup les composites, alors pas aussi performants, mais il met beaucoup les composites en œuvre dans ses véhicules, notamment pour gagner de la masse, parce qu'il y a directement des injonctions d'amende associées à des trop fortes consommations de carburant. Donc l'automobile est venue à ces matériaux-là et tire le marché finalement. Et tire les marchés et tire aussi les process de fabrication et de maintenance. Donc on va dans le bon sens, dans le sens où on va arriver à trouver des moyens de fabriquer des structures composites dont on saura les rendre durables avec le moins de maintenance possible. Et donc, justement, tout ça, c'est du coût en moins. Alors, je n'ai pas parlé du bouclier thermique, parce que lui, c'est tout un monde. Et effectivement, ce qui faisait le prix de la maintenance de la navette, c'était le fait de devoir changer 30% des tuiles à la main. Et ça, c'était rédhibitoire. Donc, ce n'était pas ce qui était prévu au début de l'histoire de la navette. Mais bon, ces tuiles-là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup, il y a pas mal de boulot qui est fait dessus. Mais comme le réutilisable étage supérieur n'est pas encore la priorité, ce boulot-là est fait de manière un peu, je dis pas en pointillé, mais il n'y a pas autant d'efforts qu'il faudrait l'avoir lorsqu'on voudra vraiment mettre en place un monoétage réutilisable. Il faudra trouver des moyens, idem, de trouver des tuiles performantes, donc qui tiennent la température plusieurs fois sans devoir les changer, facilement démontables, ce qui n'était pas le cas des tuiles de la navette, et avec des matériaux hyper performants et peu lourds. Donc il y a des pistes, il y a plein de choses qui existent, mais ça, c'est des matériaux très spécifiques. Et généralement, on utilise aussi du composite, mais avec des matrices céramiques. On appelle ça des céramiques. Donc c'est dans la résine ou c'est dans une céramique. Cette résine est une résine particulière qu'on vient, on va dire, carboniser. Ah oui. Pour la rendre carbone ou pour la rendre carbure de silicium, pardon. Donc ce sont des composites très spécifiques avec des mises en œuvre vraiment dédié et pour l'instant extrêmement cher. Il faudra trouver des moyens de le faire beaucoup plus peu cher. Et puis surtout qu'on n'ait pas besoin d'y retoucher quand ça revient au sol, quoi. Donc il y a du boulot, encore. Je peux peut-être ajouter un petit quelque chose. Vraiment, pour les lanceurs, les matériaux et les structures, c'est crucial. C'est beaucoup plus que l'aéronautique, par exemple. Si vous avez un avion un peu plus lourd que prévu, vous allez emporter un peu moins de passagers ou un peu plus de carburant, vous allez vous en sortir. Votre lanceur réutilisable, monoétage ou pas, les structures sont plus lourdes que prévues, vous n'arrivez pas à mettre votre satellite sur orbite, c'est cuit. Et c'est encore plus vrai pour les lanceurs monoétage. Un lanceur monoétage comme le Venture Star, là, que vous aviez en page 2, si vous n'avez pas les réservoirs composites cryogéniques dont parlait Marie, cryogénique, ça veut dire qu'ils tiennent le froid. De froid, c'est-à-dire l'oxygène liquide, il faut qu'il soit extrêmement froid. Voilà. Moins 200, je ne sais pas combien. Si vous n'avez pas ces réservoirs composites, vous ne faites pas le Venture Star. Et d'ailleurs, on ne l'a pas fait, parce que les réservoirs n'ont pas marché. Voilà. Ah d'accord, ah oui. En grande partie à cause des réservoirs, alors. En grande partie à cause des réservoirs. Et aussi des structures portantes qui étaient trop lourdes. Donc vraiment, la légèreté du lanceur, c'est absolument crucial. Donc bonne transition, parce que justement, j'allais dire que avant d'aller au monoétage réutilisable, il y a déjà un enjeu pour Ariane Next qui est... C'est page 10, donc page 10, on avait à gauche Ariane 5, qui est finalement au niveau des réservoirs tout métal, le composite intervenant plutôt sur les aspects parties hautes, où là, il y a directement de la masse à gagner au profit de la charge utile. Le reste, c'est de l'aluminium et c'est de l'acier pour les boosters. Sur Ariane 6, les boosters sont désormais en composite, des capacités bobinées, donc elles sont plus légères et plus performantes. On reste avec des réservoirs sur le corps central, donc ce que vous voyez, ce qu'on appelle l'EPC et l'ESC, on reste avec des réservoirs qui sont métalliques en alliage d'aluminium léger, qui sont déjà très bien. Hein. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'à terme, ce qui serait vraiment intéressant, et c'est ce qui est un petit peu illustré à droite, c'est au moins pour l'étage supérieur, dans un premier temps, de passer au composite pour les réservoirs, qui sont quand même l'essentiel de la masse d'un étage. Ça, c'est quand même ça qui emporte l'ergol, donc ça pèse. Les réservoirs en composite, alors les réservoirs tout seuls en composite... Mais pourquoi on ne fait pas déjà dire... Parce que pour l'instant, on n'a pas... Justement, on travaille dessus. Il faut absolument trouver des composites dont on gère la tenue à la cryogénie, donc aux températures de l'hydrogène ou de l'oxygène liquide. Qu'est-ce qui leur arrive s'ils sont en contact de ces liquides à moins de 100 degrés ? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils ont une résine polymère. Les polymères n'aiment quand même pas super bien le froid. Ce qui se passe, c'est qu'ils micro-fissurent. Ah. Donc en soi, ce n'est pas forcément très grave, mais s'ils micro-fissurent beaucoup, et que ces fissures, on va dire, se propagent au fur et à mesure de la vie sous charge de notre structure, ça peut faire des connexions et des chemins de fuite, et donc des fuites d'hydrogène ou d'oxygène. Et ça, bah, c'est problématique parce que ça peut être explosif. Mmh. Et puis ça peut aussi, avant d'être explosif, poser des problèmes de performance. On emporte normalement le juste besoin d'ergol, on ne se permet pas trop de le perdre en route. Il y a aussi une autre problématique, c'est vis-à-vis de l'oxygène liquide. Il y a un problème d'oxydation de la résine par l'oxygène liquide, potentiellement. L'oxydation, ça veut dire qu'on peut avoir, avec une énergie de frottement de l'oxygène sur cette résine polymère, on peut avoir des risques d'inflammation, donc, et potentiellement des risques d'explosion derrière. Donc il y a des verrous un peu techno comme ça qu'il faut lever avant de pouvoir installer du composite en cryo. Mais les Américains avec Boeing l'ont fait, donc c'est possible. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on le fait parce qu'on ne veut pas avoir de liner, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des espèces de petites couches métalliques ou polymères, enfin métalliques, on va dire, entre l'ergol et le composite, qui pourraient faire la perméabilité, parce que ça prend de la masse et c'est cher. Donc l'option composite ne fonctionnera que si on peut faire un réservoir sans liner. Et juste avant, pour finir, parce que c'est bien beau de parler des bidons, mais les bidons tout seuls, ce n'est pas là où on gagnera de la masse, parce que la masse d'un étage, donc quand on parle d'étage, c'est l'ensemble des bidons et de tous les équipements, les jupettes, toutes les petites viroles cylindriques qui les assemblent. Ça, mine de rien, ça fait quasiment la moitié au-delà des bidons. Donc si on s'occupe que des bidons en composite, on ne gagnera pas suffisamment pour que ça vaille le coup. Donc il faut vraiment réfléchir à toute l'architecture de l'ensemble de l'étage pour introduire le composite le plus possible, de manière la plus intégrée possible. Et là, l'intérêt avec ces moyens de fabrication aussi, c'est de pouvoir intégrer encore plus et limiter les assemblages et faire des monopièces avec des formes un peu plus complexes qui puissent justement la faire gagner de la masse parce qu'on a une architecture qui est plus pertinente. Ce composite-là, posite-là, posite-là, est très épatant, épatant, épatant. Cette huile, tu la poses là, la poses là, la poses là. À la main ou pas, c'est toujours bien moins cher que ça. Alors, à qui est-ce que je passe le micro ? Oui, bonjour. J'avais une petite question sur la taille des lanceurs, tout simplement, puisqu'on voit émerger aujourd'hui des petits lanceurs. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de Rocket Lab, de Vector Space, ce genre de choses, qui utilisent effectivement le composite à fond. Et nous, j'ai l'impression qu'on se concentre essentiellement en Europe sur des grosses structures, puisque tout ce qu'on voit dans le fascicule, là, c'est quand même des objets capables de mettre plusieurs tonnes en orbite, alors qu'aujourd'hui, il y a un marché qui s'ouvre pour les microsatellites. Donc je voulais votre avis là-dessus et si c'est une voie qui serait intéressante de poursuivre. Merci. Les micro-lanceurs, effectivement, c'est une nouveauté. Rocket Lab est une vraie bonne nouveauté. C'est pas forcément la voie qu'on suit en France et en tout cas en Europe au niveau des agences. Parce que un micro-lanceur, ça fait... ça a tendance à faire du prix au kilo moins intéressant qu'un gros lanceur. Ce qu'on a plutôt tendance à étudier, nous, c'est des lanceurs qui ont des dispositifs ou des petits étages supplémentaires et flexibles qui vont répartir ces petits satellites un peu partout là où il faut. Voilà. Alors après, en Europe, il y a des start-up qui proposent des micro-lanceurs, qui réussissent à avoir des fonds européens, mais qui ne sont pas encore passés au stade de la réalisation. Donc, mais nous, côté agence, c'est vraiment le prix au kilo qui nous semble pas forcément assez intéressant. Une question de monsieur. Comment les nouveaux matériaux rendraient-ils les lanceurs mono-étage rentables, alors que les lanceurs multi-étage deviendraient d'autant plus rentables, j'imagine, avec des nouveaux matériaux? On va dire que dans l'absolu, on se dit qu'un mono-étage à réutiliser, c'est mieux que deux étages. C'est ce que disait un petit peu Fred tout à l'heure. Le Graal, c'est d'avoir qu'un objet qui fait tout. Alors après, comment les nouveaux matériaux peuvent arriver à ça? Ben, justement, il va falloir bosser d'arrache-pied pour les associer à des architectures, parce que quand on parle matériaux tout seul, c'est pour ça que j'insiste, mais c'est pas forcément dire grand-chose, associer à des architectures qui leur permettent de donner leur plein pouvoir, on va dire, et surtout trouver des moyens de les fabriquer et de les maintenir le moins cher possible et le plus efficace possible. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je parle matériaux, je fais toujours le triplé matériaux, procédés, structures, quoi. Donc la structure a son intérêt de par son architecture. C'est là où on va pouvoir trouver des choses pertinentes à faire. C'est ce qu'on voit par exemple dans la fabrication additive, etc. Tout est couplé. Il y a le matériau lui-même, le procédé qui permet de faire un peu ce qu'on veut et l'architecture qu'on peut complètement repenser parce que le procédé permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire jusqu'à maintenant. Donc on compte sur ce genre de phénomène, on va dire, comme on peut le voir dans la fabrication additive, pour d'autres types de matériaux, pour être amené à finir par réaliser cet objet idéal d'un mono-étage qui permet de tout faire à moindre frais. Bon, voilà, ça c'est vraiment le Graal. Hein. Après, entre deux, il y a des étapes. Frédéric Masson, j'aimerais que vous nous parliez justement de ce projet ou cet avant-projet ou ces avant-projets du CNES concernant des lanceurs mono-étage. Ça ressemble à quoi? Un avant-projet, ça veut dire quoi? C'est papier-crayon? Oui, c'est plutôt la CAO maintenant, mais on utilise un peu le papier. La CAO, de la conception, assistée par ordinateur. Assistée par ordinateur. Ouais. Bon, c'est ça qui nous permet d'avoir le dessin final de l'étage. Mais bon, en tant qu'ingénieur, c'est vrai qu'au tout début, on prend le crayon et puis la gomme et puis on commence à griffonner des choses au tableau. Bon, typiquement, un avant-projet, il faut choisir sa mission. Il faut deviner le chargement d'ergol, la taille globale du lanceur, faire des études de trajectoire pour voir comment le lanceur va apporter les satellites à poste. Ensuite, vous commencez à travailler un petit peu sur les structures et matériaux pour essayer d'avoir la structure la plus légère possible. Et puis, ça vous permet de recaler la trajectoire et les performances. Et à la fin, une fois que vous avez l'idée de l'architecture et des équipements choisis, vous sortez une SAO qui est assez représentative. Une SAO, c'est-à-dire un dessin. Un dessin, voilà. Donc, un dessin détaillé. Un dessin détaillé, oui, c'est ça. Okay. Voilà. Avec un bilan masse. Avec un bilan masse. Oui. Un bilan masse, c'est-à-dire combien ça pèse. Voilà, combien ça pèse, mais combien ça pèse aussi par tranche ou par étage, puisque c'est ça qu'on va rentrer aussi dans les boucles trajectoires et performances. Mmh. C'est ça qui va être dans les... Voilà. Donc c'est un rebouclage permanent, en fait. On fait un premier jet grossier, et puis on va finir par reboucler et affiner au fur et à mesure qu'on va aller regarder un petit peu du prédimensionnement, de la préconception, d'un certain nombre de détails de l'aménagement de ce lanceur, pour justement avoir un bilan masse pas trop idiot, qu'on va réinjecter dans la boucle trajectoire performance qui elle-même va nous redonner des informations sur ensuite des entrées pour la partie aérodynamique, la partie effort qu'on va réinjecter dans nos structures, etc. Des boucles dans tous les sens. Ouais. Voilà. Ouais. Donc avant-projet, alors il ressemble à quoi votre avant-projet? Il a un nom est-ce qu'il a un petit nom? Non, c'est... Oui, mais ce nom veut dire oui, mais il est secret. Oui, bon. D'accord, ok, parfait. On n'est pas prêt à communiquer sur ce genre d'avant-projet. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas prêt à communiquer? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on est prêt à communiquer? Parce qu'il y en a d'autres qui ne se privent pas de communiquer sur des choses parfois très floues. On est prêt à communiquer quand on considère qu'il y a un détail suffisant à la définition, qu'on a bien identifié les points techniques difficiles, qu'on a une bonne idée de comment les résoudre, parce que quand on présente ce genre de lanceur très innovant, ben, il faut être, irréprochable. Un peu irréprochable. Ouais, en tout cas, ça. Résistant à la critique. Parce que vous êtes le CNES, quoi. Donc, oui, tout à fait. Ouais, on est le CNES. Donc, il faut pas présenter un lanceur qui soit qu'on démonte immédiatement. Voilà. D'accord. Mais alors, attendez, parce que il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quand même un lanceur là. Si on regarde page 5, regardez-moi ça. Page 5, c'est sur les étages orbitaux à propulsion électrique, donc les vaisseaux, les satellites qu'on envoie dans l'espace. Et alors, si vous regardez, il y a quand même ce qui s'appelle Prometheus, qui est le projet de NASA, propulsion électrique nucléaire. Là, la propulsion, c'est dans 100 ans. Et la NASA s'autorise à publier des images comme ça. Alors, non, c'est pas dans 100 ans. C'est pas l'antimatière, le nucléaire. Non, j'ai bien compris, c'est du nucléaire. Non, bien sûr, ouais. Ça va de soi. Mais quand même, on n'a pas aujourd'hui de propulsion nucléaire. Et je crois pas que la NASA ait lancé de moteurs à propulsion nucléaire spatiale. Alors, des réacteurs. Alors, d'abord, parlons peut-être un petit peu du concept. Vous avez cette forme triangulaire qui est assez caractéristique. Tout au bout, il est tout petit. Vous appelez au bout, c'est sur le nez. Hein. Oui, sur le nez, oui. Tout au bout, sur le nez, vous avez le réacteur nucléaire. Et tout petit. Qui est tout petit, qui est plus petit qu'un réacteur au sol. Hein. Au sol, c'est 1 gigawatt, une tranche nucléaire. Là, on parle plutôt du mégawatt, donc 1000 fois moins. Ce réacteur va produire de l'électricité, un petit peu comme au sol. Et cette électricité va... Il va produire d'abord de la chaleur, ouais. Qu'on récupère. Oui. Et comment, on a une turbine, comment ça oui, marche. On a une turbine, d'accord, exactement, d'accord. Comme sur le sol. Oui, vous avez raison. D'abord, le réacteur produit de la chaleur. Et la turbine, couplée à un alternateur, hein, le transforme en énergie électrique. D'accord. On a un bloc qui produit de l'électricité. Et donc cette électricité va passer dans la grande tige qui est l'armature centrale, du vaisseau. Hein, dans la colonne, centrale, colonne vertébrale, là. Voilà. Et qui alimente des... Alors on a des espèces d'immenses ailes, là. Des panneaux, vos panneaux, là, c'est quoi? Alors, ces panneaux... Des radiateurs, encore ce sont des radiateurs. Ouais. C'est la donc source c'est... froide du cycle thermodynamique. Donc il s'agit de... Il faut évacuer la chaleur. Voilà, il faut évacuer le trop-plein de chaleur. Ouais. Et voilà. Et donc, sur Terre, vous avez un fleuve qui passe à côté et qui permet de refroidir le tout. Vous n'avez pas de fleuve dans l'espace, donc il faut se débrouiller autrement. Il n'y a pas d'air non plus. Il n'y a pas d'air non plus. Ça ne facilite pas quand même l'expulsion de la chaleur, voilà. Je suppose. Ouais. Donc, il faut des très grands radiateurs. Et finalement, c'est les radiateurs qui font le principal du volume du vaisseau. Ah oui. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, et ensuite, il y a la queue. Qu'est-ce qu'il y a là? Et ensuite, à la queue, vous avez des propulseurs électriques qui vont utiliser l'énergie électrique que vous avez produite au niveau du réacteur. Alors la propulsion électrique, c'est très différent de la propulsion chimique. Ça vole déjà sur les satellites. Donc la propulsion chimique, c'est ce qu'on a déjà avec le LOX, le méthane. Non, on a des... C'est chimique, hein, on voit bien, on utilise des réactions chimiques. Hein. Voilà. Ouais. Et la propulsion électrique, c'est pas ça, il n'y a pas de combustion. Vous allez prendre un gaz neutre, vous allez le ioniser avec un champ magnétique couplé à un champ électrique. Et vous allez l'accélérer par un champ électrique. Donc vous prenez le gaz, vous l'ionisez, vous l'accélérez avec un champ électrique. On l'accélère et on l'expulse. Et on l'expulse. Voilà, donc l'idée, c'est au final, on expulse du gaz. Mm-hmm. C'est comme, il s'agit d'expulser quelque chose pour obtenir une poussée. Voilà. Et avec la propulsion électrique, l'idée, c'est donc, on a une sorte de... On est capable d'accélérer ce gaz grâce à l'électricité. Exactement. Voilà. Voilà. Okay. Et ça donne une propulsion qui donne beaucoup moins de poussée. Vous n'allez pas quitter le sol terrestre avec. Il faut vraiment démarrer à partir de l'orbite terrestre. Mais c'est très peu gourmand en carburant. Donc vous pouvez aller très loin et emporter des charges utiles très loin vers Jupiter, Saturne. Voilà. Alors, ça s'utilise déjà à la propulsion électrique. Alors la propulsion électrique aujourd'hui, s'utilise déjà. Ouais. Des réacteurs nucléaires, on en a déjà envoyé. Enfin, c'est les Russes, c'est les Américains. La propulsion électrique qu'on a aujourd'hui, c'est la propulsion électrique sans réacteur nucléaire. Hein. Oui, on peut avoir des petits moteurs électriques sans réacteur nucléaire, évidemment. C'est des panneaux solaires qui fournissent l'électricité. Qui fournissent l'électricité, mais il s'agit toujours d'expulser du gaz. Voilà. Donc c'est par exemple sur des satellites. Là, on a un exemple en bas à gauche, donc toujours page 5. Hein, un satellite, il y en a peut-être deux là, je ne sais pas très bien ce qu'ils font là. Il y en a deux qui se rencontrent. D'accord. Et donc, ça existe déjà aujourd'hui, la propulsion électrique. Voilà. Alors, ma question quand même initiale, c'était, la NASA se permet de faire un beau dessin comme ça, et alors le CNES, pourquoi on n'a pas des choses futuristes comme ça qui viennent du CNES? Et ça ne vous engage à rien, la NASA, et ils n'ont pas lancé le Prometheus? Alors, juste pour dire que le Prometheus, c'était pas si science-fiction que ça. Parce que, comme je disais, les réacteurs nucléaires ont déjà volé. Il y en a beaucoup qui ont volé dans les années 70-80. La propulsion électrique, ça existe déjà. Il faut assembler les deux. Alors, il y a du challenge technique, mais c'était un concept qui était proposé au début des années 2000 et qui aurait volé actuellement si la NASA n'avait pas changé de priorité. Et depuis, il y a les Russes... Donc, c'était proposé comme quelque chose à financer, effectivement, par la NASA. Oui, absolument. D'accord, les ingénieurs poussaient officiellement dans ce sens-là, d'accord. Exactement. Et finalement, on a détourné le budget pour envoyer des hommes sur Mars. Avec le succès qu'on sait ? Avec le succès qu'on sait pour l'instant. Ah oui, non, pardon, ils ne sont jamais allés, pardon, excusez-moi. En tout cas, c'était la raison qu'a évoqué la NASA à l'époque. Et depuis, les Russes ont repris le concept et, d'après ce qu'on sait, sont en train de développer ce genre de vaisseau pour le début des années 2020. Ah oui. Alors, ils ont des démonstrateurs qui tournent. C'est dans 5 ans, ça. Les démonstrateurs, c'est l'année prochaine, je pense. Ah oui, d'accord. Pour au moins au niveau du réacteur. Auront-ils assez d'argent pour aller au bout du développement ? Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, la technologie est là et le projet est bien lancé. D'accord. Bon, d'autres interventions ? Je suis allé un petit peu dans les distances. Je viens jusqu'à vous. N'hésitez pas à demander le micro. Michel, ça va ? Ouais. Comme d'habitude, j'ai plein de questions, donc je vais me limiter à deux. Tout à l'heure, on parlait de fusée mono-étage, mais pour arriver à atteindre, je ne parle même pas de vol très lointain, mais simplement l'orbite terrestre, il faut la vitesse finale de 8 km seconde environ, enfin j'arrondis. Donc soit on a un carburant qui donne une poussée énorme, enfin, en termes techniques, l'impulsion spécifique, mais je vais peut-être éviter ce genre de mots. Soit on a un rapport de masse excellent. Donc, est-ce que vous arrivez dans vos projets à quelque chose qui tient la route à la fois sur le rapport de masse, c'est-à-dire le rapport entre la fusée pleine au départ et puis quand elle a consommé tout son carburant, ce qui reste comme masse finale. Est-ce que vous avez des secrets sur les combustibles, à part l'hydrogène, oxygène, on a pas tellement mis en magasin en principe, et sachant que si en plus ça doit être dans des composites qui ressembleraient plus à une boîte de les cartons de jus de fruits ou quelque chose comme ça avec une différentes épaisseurs et non pas quelque chose de métallique à l'ancienne, genre bidon, ça fait beaucoup de choses et avoir à la fois les performances, l'efficacité et un prix raisonnable, ça fait beaucoup. L'autre chose. On l'apprendra après. Elle est déjà pas mal. Non, simplement pour dire, Michel n'y croit pas. Voilà. Oh, bah c'est dommage. Non, mais je sais bien. Ah, bah je t'en prie, excuse-moi. Pardon. Je vais juste finir cette partie-là de la question. Quand vous avez dit mono-étage, est-ce que c'est strictement mono-étage ou est-ce que vous vous autorisez à avoir des boosters, ce qui fait un étage et demi, en fait, ou quelque chose comme ça ? Alors, sur la première partie, effectivement, pour faire un lanceur mono-étage, il faut travailler sur les deux, sur les matériaux et sur la propulsion. Alors, l'avant-projet que j'ai en tête, c'est de la propulsion qui utilise de nouveaux ergols avec lesquels on travaille... avec des partenaires de laboratoire qui auraient une densité supérieure et une énergie supérieure à l'hydrogène. Je vous en parlerai un prochain mardi de l'espace, peut-être. Non, c'est pas le fluor. Donc il y a la propulsion. Alors la propulsion, vous pouvez aussi améliorer la propulsion avec des tuyères innovantes. Comme des aérospikes, on pourrait aussi en parler. C'est quoi des aérospikes ? Des aérospikes, c'est des espèces de tuyères inversées. C'est-à-dire des tuyères inversées. Vous avez juste... comment dire ? Au lieu que ça ressemble à une tuyère, ça ressemble à une pointe. Donc une tuyère, normalement, c'est une cloche. Hein. Voilà. On voit... Tiens, regardez, on va regarder ce que c'est, là. Parce qu'il y a un moteur... Il y a le moteur qui s'appelle aussi Prometheus, ça aide pas, mais c'est un moteur européen. Page 7. Donc on voit bien l'espèce de cloche à la base, page 7. La cloche, à la base, c'est ça, la tuyère. Donc, normalement, on a juste au-dessus de la tuyère, on a la chambre de combustion. Donc, c'est là que l'oxygène et l'hydrogène se rencontrent et s'enflamment. Et puis, voilà, la tuyère, elle est là pour diriger les gaz vers le bas, là, en l'occurrence. Donc, alors, là, on a une tuyère en forme de cloche. Et vous proposez une tuyère en forme de quoi ? En forme de pointe. De pointe, en forme d'accord. De pointe, c'est-à-dire que le gaz qui sort va épouser la pointe. Et l'atmosphère qui est autour de ce jet de gaz, oui, merci. L'atmosphère autour de ce jet de gaz va quelque part servir de deuxième barrière. C'est comme une cloche immatérielle. Et les aérospikes ont été testés aux États-Unis, ils n'ont pas encore volé. Mais c'est une manière d'avoir une tuyère qui s'adapte parfaitement à l'atmosphère ambiante. Les tuyères en forme de cloche que vous avez là sont adaptées soit pour le niveau de la mer, soit pour le vide. Ça fait des cloches plus ou moins grandes. Et entre les deux, la tuyère est un peu inadaptée. Vous perdez de l'efficacité. Et les tuyères comme l'aérospike sont censées s'adapter à l'atmosphère et à la variation de pression atmosphérique quand vous vous élevez. Mais elles ont une géométrie qui bouge ou pas du tout? Non, c'est donné une fois pour toutes. Non, la tuyère est donnée une fois pour toutes. D'accord. Pour l'aérospike. Okay. Mais il y a aussi des tuyères en forme de cloche, dont vous pouvez faire varier la géométrie en cours de vol. C'est un peu plus compliqué que la tuyère simple que vous avez. Mais alors ça, c'est la tuyère. Alors, il y avait les ergols, là, on va y revenir, ça, j'oublie pas. Il y avait d'autres moyens pour faire décoller votre lanceur monoétage? Alors, vous soignez la tuyère, vous changez d'ergol, et vous faites de l'ART sur des nouveaux ergols. L'ART, c'est recherche, recherche et développement. Ouais. Voilà. Recherche et développement, oui. Et puis, autre solution, vous soignez un maximum votre cycle thermodynamique. Ça donne de la combustion étagée, comme ce que vous avez sur la navette spatiale, alors que vous avez un cycle à générateur de gaz. Donc ça fait de la combustion plus efficace, un moteur plus efficace, mais beaucoup plus cher et d'accord, plus difficile à mettre au point. Alors c'est les trois pistes. Alors les ergols, on va revenir dessus quand même, parce que ce n'est pas du fluor. Est-ce que ce ne serait pas de l'azote? Ce sont des composés polyazotés. Ah, voilà. Alors, donc, composés polyazotés et métastables. Et métastable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, polyazoté, métastable? Alors, polyazoté, ça veut dire que ce sont des chaînes d'azote. Vous faites des nouvelles molécules d'azote. L'azote a tendance naturellement à donner du N2, comme ce que vous respirez dans l'atmosphère. Donc, c'est deux atomes d'azote qui s'associent l'un voilà, à l'autre. Deux atomes d'azote associés. Il y a moyen de fabriquer des molécules d'azote qui ne soient pas du N2, des molécules cycliques qu'on ne trouve pas naturellement, et qu'on peut obtenir par voie chimique ou par voie de haute pression. Alors, une fois que vous avez créé ces molécules, elles sont métastables. Ça veut dire qu'elles vont rester dans cette configuration un peu non naturelle jusqu'à ce que vous lui apportiez un apport énergétique qui la fasse se décomposer en azote à nouveau. Donc, un apport énergétique, c'est quoi? C'est de la chaleur? C'est un choc? C'est de la chaleur. La chaleur, d'accord. C'est de la chaleur. Voilà. Et alors là, donc, elle se décompose en produisant de la chaleur elle-même, voilà, c'est ça? Elle, d'accord. Elle se décompose en relâchant l'énergie qu'il a fallu pour la mettre dans cette configuration, d'accord, pas très naturelle. Et donc là, j'ai un carburant qui est cette chaîne polyazotée et pas besoin de comburant? Pas besoin de comburant, ce serait du monoergol. D'accord. C'est-à-dire... On en a déjà fabriqué des chaînes comme ça, polyazotées? Alors, on en a fabriqué avec nos laboratoires, mais en très petite quantité, ouais, et surtout pas à des prix qui permettent d'en fabriquer plusieurs tonnes. Ce ne sont pas exactement les molécules qu'il nous faut, ce sont des précurseurs, mais ce sont des premières, donc on avance pas mal. Et on a bon espoir que ça aboutisse. Alors là aussi, pour un lanceur 2030-2050, c'est certainement pas dans les 5 ans. D'accord. Et donc, c'est une propulsion que vous appelez... Bon, elle est chimique, vous l'appelez quoi? Plutôt 2050, oui. D'accord. Ouais. Propulsion chimique, quoi? Azote? Azote, comment vous l'appelez? Propulsion chimique, oui. Monoergol. D'accord. Polyazoté. Alors, j'oublie pas ta deuxième question, Michel, mais voilà, on a d'autres personnes qui demandent la parole. Monsieur? Oui, bonjour. ah oui, pardon. Ah oui, oui, oui. Le... C'est quoi la question? Ah, le 1,5, c'est ça? Oui, alors... Le 1,5, c'est quoi le 1,5? Alors le 1,5, c'est le fait qu'on n'a pas tout à fait du monoétage. On triche en quelque sorte. Ah. Soit en rajoutant des boosters, mais là c'est trop triché, c'est pas forcément ce qu'on regarde. Soit en rajoutant un étage supérieur optionnel, ça dépend si on veut atteindre juste l'orbite basse ou des orbites plus hautes. C'est ce qu'on appelle des kickstages. Et du coup, ça permet d'apporter de la flexibilité, des fonctions supplémentaires à notre lanceur monoétage. Donc un petit étage supplémentaire. Voilà, un petit étage supplémentaire. D'accord. On rajoute ou pas? Bonjour, j'avais regardé sur Wikipédia et j'étais tombé sur une page où il y avait le nombre de satellites envoyés par pays. Et il y avait plus de 1500, enfin il y avait environ 1500 satellites envoyés par les Russes et 1500 par les Américains. Et très peu de satellites envoyés par le reste du monde. Et je me demandais si c'était lié à la guerre froide et si aujourd'hui encore on était dans un... une compétition un peu militaire au niveau de l'espace aussi. On était dans un cadre purement scientifique, notamment avec des satellites d'observation du climat ou d'observation de la Terre et de l'espace. Voilà. C'est beaucoup des applications militaires, effectivement. Tous ces satellites qu'envoient les Russes, les Américains et beaucoup les Chinois. Après, les satellites commerciaux, de télécommunication ou même d'observation de la Terre, ça représente une petite partie du lot. Là-dessus, l'Europe est bien placée pour les satellites commerciaux, puisque Arianespace est encore entre premier et deuxième sur le marché commercial. Mais encore une fois, les satellites commerciaux, c'est une toute petite partie du volume global. Bonsoir, j'ai une question un petit peu hors sujet par rapport aux matériaux, aux propulsions, etc. Mais je pense que ça rebondit assez bien avec la question de mon prédécesseur. Bien sûr, vous disiez au début de la soirée que toute cette réduction de coûts allait permettre beaucoup plus de missions, d'accéder à l'espace beaucoup plus facilement et moins cher. Bon, c'est le sens de l'histoire de toutes les nouveautés. Mais est-ce que vous travaillez aussi à ne pas poubelliser l'espace? Il me semble que déjà maintenant, certaines orbites sont saturées de débris et de choses comme ça. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec d'autres équipes qui s'occupent d'accompagner toutes vos innovations qui permettent de plus facilement accéder à l'espace, également de prévoir le futur, le nettoyage et la non-poubellisation? Et est-ce que les autres pays également ont cette même préoccupation? Alors, globalement, donc oui, côté France, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2010, il y a eu la mise en place d'une loi, la loi sur les opérations spatiales, qui demande à ce que tout engin partant du sol français, et donc là, pour le coup, le CSG, respecte... C'est Kourou, le CSG. Le CSG, c'est Kourou, le centre spatial guyanais, voilà. Donc tous les engins partant du sol respectent cette loi, c'est-à-dire respectent l'environnement, la sécurité des biens et du public et des personnes. Et quand on dit l'environnement, c'est y compris l'environnement extraterrestre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on envoie là-haut, dans la mesure du possible, on ne le laisse pas. Donc c'est pour ça que... alors, ce n'était pas rétroactif pour Ariane 5, dont le développement a démarré avant cette loi. Mais par contre, pour tous les développements de lanceurs post-2010, il y a un besoin de démontrer qu'on ne laisse rien là-haut. Donc quand on dit qu'on ne laisse rien, c'est notamment l'étage supérieur. Et donc l'étage supérieur, pour ne pas le laisser là-haut quand il a fini sa mission, notamment lorsqu'il est dans une orbite pas très élevée, on a une réserve de carburant pour le désorbiter. Et donc ça veut dire aussi qu'on a un moteur qui se réallume, ce qui n'était pas le cas du moteur de l'étage supérieur d'Ariane 5 aujourd'hui, mais qui sera le cas du moteur supérieur d'Ariane 6 et de tous les moteurs qu'on va être amené à développer désormais. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'on est trop haut, sur une orbite trop haute déjà pour désorbiter, on va mettre cet engin sur une orbite cimetière. Et entre deux, on le passive, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il ne soit plus dangereux, qu'il n'ait plus de risque d'explosion par des résidus d'ergol. Donc on le passive pour qu'il soit un objet mort, bien sécurisé quelque part. Donc on vide les réservoirs. On vide les réservoirs. Et puis voilà. On coupe les batteries, toutes les équipements électriques. On le met en off, quoi. Donc ça, c'est les deux ce qu'on demande. Alors effectivement, on n'enlève pas tout. Par exemple, une orbite cimetière, c'est une orbite plus élevée. Oui. Où il va rester plus longtemps, mais là, voilà. Pour le coup, quoi, des dizaines de milliers d'années ou quelque chose comme ça. Ouais, il reste suffisamment longtemps pour qu'on accepte de ne pas s'en préoccuper. C'est pas bon. En tout cas, c'est vrai qu'il y a effectivement des ceintures d'orbites terrestres qui sont complètement poubellisées, donc notamment pas mal en orbite basse, hein, finalement. Donc les gens se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose si on voulait continuer à pouvoir lancer et donc traverser cette ceinture-là. Donc il y a, on va dire, une conscience collective, mais après c'est bien beau, c'est comme toute réflexion écologique. Généralement, on s'y met vraiment quand on a le mur pas loin. Donc on a quand même du mal à fédérer les États et fédérer les financements pour aller véritablement dans une démarche constructive et efficace pour dépoubelliser l'espace. Ça n'empêche qu'il y a énormément de travaux et de projets, donc il y a plein... Là, on pourrait faire un mardi de l'espace spécial, hein, sur la gestion des débris. Mais côté CNES, on en... Il y en a eu. Voilà, je suppose. Je m'en souviens. Je me doute. Je ne peux pas imaginer autrement. Et donc, il y a beaucoup de gens au CNES qui travaillent. Il y a côté ESA, agence spatiale. Dans toutes les agences européennes, il y a des gens qui travaillent sur la gestion des débris, qui peuvent aller sur des projets de récupération de débris, mais aussi sur des réflexions sur ce qu'on appelle le design to demise. C'est-à-dire, c'est la conception pour brûler ou pour se dissoudre quand on va rentrer dans l'atmosphère, on va dire. Donc on va mettre en place des réflexions pour concevoir des véhicules qui, lorsqu'ils vont rentrer dans l'atmosphère, lorsqu'on va les désorbiter, on assure aussi qu'ils se désintègrent suffisamment pour qu'il n'y ait plus de débris et de fragments qui arrivent à Terre. Ou en tout cas, que ces fragments soient jugés non létaux. Voilà. Donc il y a pas mal d'activités effectivement là-dessus, et le design to demise, ça a plein de ramifications, notamment vers les structures et les matériaux. Donc la question avait un lien. Moi, j'ai un problème, si je le résous, ça vaut de l'or. Je voudrais mettre plusieurs tonnes en orbite. Pour ça, je compte faire comme Elon Musk et même plus fort, en faisant un lanceur plus gros qu'une frite. Et là, vous me direz qu'une frite, c'est pas vraiment énorme. Aussi, je voudrais m'avouer vaincu. Laisser tomber ce défi belge un peu hors norme et manger mes frites assis sur mon fauteuil. On voit que c'est la dernière. Hein. Il y a du laisser aller là quand même. Bonsoir à tous. Sans faire de la perspective jusqu'en 2050, je voulais savoir par rapport à la page 4, qui est le BFR de SpaceX, si réellement vous y croyez. Enfin, là, je parle de la nouvelle version, hein, celle de 2017, hein, je crois, qui a été publiée. Voilà, je voulais savoir si réellement vous y croyez, et je crois que c'est pour 2025. Hein. Donc voilà, c'est page 4, la Big Falcon Rocket de SpaceX. Alors là, côté communication, ils sont forts, hein, parce qu'ils imaginent, je ne sais pas, il y en a combien là, rien que sur cette image, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a même une à droite, il y en a 7, il y a des petits bonshommes qui se baladent, on s'assied, on prend des photos, la vie est belle sur Mars, grâce à la Big Falcon Rocket. Est-ce que vous y croyez? Alors c'est vrai que c'est beau, ça donne envie. Moi j'ai peur qu'ils s'ennuient quand même, parce que ça manque d'arbres et d'oiseaux et de... Il y a pas tout le monde qui aimera y aller, certainement. Il y en a que ça branche pas du tout. Moi, aller sur Mars, personnellement, ça me brancherait. Donc, même s'il n'y a pas d'arbres, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on y croit à la Big Falcon Rocket? Il y a 10 ans, on vous aurait répondu non, aucune crédibilité. Aucune crédibilité pour même le Falcon. On ne croyait même pas au Falcon, voilà, il y a 10 ans. N'importe enfin, quoi. Ouais. Et puis... Bon, si, pour ceux qui connaissent, SpaceX a quand même enchaîné les premières et les prouesses technologiques. Parce qu'à votre place, le mois dernier, il y avait quelqu'un du CNES qui dit « Nous avons mangé notre chapeau ». Oui. D'accord. Mais c'est vrai. D'accord. Donc maintenant, vous êtes prudent, c'est ça? Maintenant, ça incite à plus de prudence. Donc le BFR, ça reste un monstre. Je crois qu'il y a trois fois plus de volume que la Saturn V, qui est la plus grande fusée de l'espace... De l'histoire, pardon, qui a emmené les hommes sur la Lune. Donc, trois fois plus de volume, plus grande, bien sûr. C'est extrêmement ambitieux, mais quand on voit la récupération simultanée des trois boosters du Falcon Heavy, faut être prudent. Donc, pourquoi pas. Et oui, parce qu'il y a un lanceur, hein, qui a été lancé récemment, donc le Falcon Heavy, la très grosse fusée de Falcon, avec trois corps centraux, si je puis dire, hein, les uns à côté des autres. Et effectivement, ça a marché, hein, du premier coup. Ouais. Donc alors, voilà, il faut faire attention avec SpaceX. Alors une pièce maîtresse du BFR, c'est des réservoirs composites cryogéniques gigantesques. On y revient toujours. Et c'est un des éléments qui peut rendre ce genre de choses possible. À condition qu'on y arrive. On y revient à nos composites, là, cryogéniques. Mais là aussi, on est prudent parce que dans nos assertions, parce qu'effectivement, ils ont montré... Alors, il y a encore des évolutions notables avant d'arriver à faire un réservoir ou un étage composite cryogénique adapté à une BFR. Mais ils ont quand même fait une démonstration d'un réservoir de 12 mètres de diamètre en composite, etc. qui était assez impressionnante. C'est pas ce concept-là qui volera sur une fusée, il est pas apte à voler sur une fusée, mais ça montre quand même des avancées dans la maîtrise de ces matériaux, dans la maîtrise de ces concepts, la façon de pouvoir assembler un réservoir au reste d'un lanceur, donc dans la fameuse liaison Jupette-capacité, qui est tout un programme, on va dire. Et puis, donc ils savent potentiellement gérer l'étanchéité, ils savent gérer la compatibilité des ergols, donc ça avance. Donc il y a des solutions qui avancent, c'est pour ça que... Et il y a toujours des moyens de fabrication qui permettent aussi de le faire, ce qui était le limitatif aussi avant. C'est-à-dire des moyens de fabrication, c'est-à-dire des... C'est-à-dire des capacités, des usines, mais aussi des procédés qui permettent justement d'être capable de mettre en place tous ces éléments composites les uns avec les autres, de draper comme on veut, de mettre ces barrières anti-perméabilité, de savoir mettre ça sur des mandrins ou des moules gigantesques qu'il faut savoir démonter à un moment ou à un autre. Donc il y a plein de problématiques derrière la fabrication qui petit à petit sont levées. Donc c'est pour ça que ça devient intéressant et ça peut être crédible. Alors, une question de mademoiselle. Bonsoir. Hier, ce cher Donald Trump avait annoncé une autre de ses brillantes idées, à savoir militariser l'espace. Et je me demandais un petit peu comment évoluaient les politiques internationales à l'aune de la progression de nos propres technologies. Est-ce qu'on se dirige de plus en plus vers une vision internationale de l'espace, ou est-ce que cette internationalisation des technologies se fait uniquement d'un point de vue pratique pour l'instant? Alors, il y a une coordination internationale pour l'exploration. Où il y a la NASA, auquel le CNES participe, auquel la plupart des agences spatiales internationales participent. Ça s'appelle l'ISECG. J'ai oublié ce que veut dire l'acronyme, mais bon. Et ça nous permet de travailler ensemble sur un des projets que vous avez en page... Voilà, celui-là, en page 6. C'est la Deep Space Gateway. C'est une nouvelle station spatiale, et celle-là devrait être autour de la Lune. Et c'est pas de la science-fiction, les premiers éléments de cette nouvelle station spatiale pourraient être amenés autour de la Lune aux alentours de 2022-2023 avec le SLS, la nouvelle fusée américaine développée par la NASA. Très grosse fusée, un lanceur très lourd. La NASA, oui. Un lanceur très lourd, oui, comparable à la Saturne. Et voilà. Et donc, y a des discussions, en particulier entre la NASA, la JAXA. Et l'ESA, ça, c'est les Japonais. Les Japonais, tout à fait. Et l'ESA, pour savoir qui fournirait quelle partie de la station spatiale, sur le modèle de la station spatiale qui tourne actuellement au-dessus de nos têtes. Et voilà, cette nouvelle station spatiale, ça serait l'occasion d'une grande coopération internationale. Et c'est assez enthousiasmant. Et donc, l'ESA pourrait fournir gratuitement certains éléments de la station spatiale. Et en échange, la NASA enverrait des astronautes européens et français en particulier sur cette nouvelle station. Donc ça marcherait un petit peu comme l'ISS aujourd'hui, hein, comme la Station Spatiale Internationale aujourd'hui. Oui. Sauf qu'on serait autour de la Lune. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Alors on la voit à gauche, hein, cette station, le Deep Space Gateway. Ça a l'air beaucoup plus petit que la Station Spatiale Internationale. Ça ressemble plus à une mire des premiers temps. Hein. Oui, oui, elle est plus petite, donc ouais. c'est plus loin. On met quoi ? On met 2-3 personnes à bord ? On met 2-3 personnes à bord, oui. Ouais. Et puis pas en permanence, je suppose. Pas en permanence, oui. Ouais. Ils y vont, ils reviennent. Voilà. Et bien, c'est plus loin, donc il faut être à... Faut être un peu plus raisonnable d'une certaine manière, donc elle sera plus petite. Donc mademoiselle se posait la question de voilà, est-ce que l'espace va devenir un terrain de conflit ou de partenariat et de travail en commun. Il y a du travail en commun. Il y a du travail en commun. C'est bien sûr l'aspect que je préfère dans ce que peut proposer Monsieur Trump. Mais c'est sûr que la militarisation de l'espace, c'est pas très enthousiasmant. Excusez-moi, la militarisation, vous venez de nous dire tout à l'heure que le gros des satellites dans l'espace, c'était des satellites militaires. Donc c'est déjà fait. Ça fait pas de bruit. Alors c'est déjà fait, mais ce sont des satellites d'observation. D'observation, oui, oui. Pour permettre de guider les troupes au sol, par exemple, sur les terrains de conflit. Oui. Il faudrait il pas, s'agit pas de tirer depuis l'espace. Voilà, ça, c'est pas la guerre des étoiles qu'avait proposé Ronald Reagan. Ouais. Il faudrait pas revenir à ce genre de choses. Ça c'est sur Terre, ça. Oui, ça fait pas de bruit dans l'espace, c'est vrai. Ouais. Jean-Gabriel. Juste une précision, Donald Trump n'a pas parlé de militarisation de l'espace, mais voulait faire de l'espace une force militaire à proprement parler, détachée des autres forces que sont la Navy, l'armée de l'air et l'armée de terre. Donc ce n'est pas une militarisation de l'espace, c'est de faire du segment spatial une armée à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà des gens qui travaillent sur l'espace, point de vue militaire, mais ils étaient dans d'autres corps. Et maintenant, on aurait un corps comme on aurait l'armée terre, l'armée d'herbe, on aurait l'armée de l'espace. Mais oui, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, quoi, ça ne change rien. Ça donne de la visibilité, et du, symboliquement. Ça va donner une autonomie aux programmes spatiaux militaires américains, mais ça ne change rien au fait qu'on va nucléariser ou mettre des armes dans l'espace. Parfait. Ça jette un peu de l'huile sur le feu. Ah oui, ah ça c'est sûr. Mais c'est le principe. C'est le principe ouais, de Trump. C'est pas un problème. Je t'en prie. Enfin, c'est pas un problème, si, mais on est au courant. On n'est pas surpris. Une question qui vient directement des internets et qui se demande si les technologies de type IRVE, alors pardonnez mon accent, Inflatable Reentry Vehicle Experiment, sont prometteuses pour les retours de deuxième étage de lanceurs. Ah oui, parce que vous pouvez intervenir sur Twitter hein, ce soir, comme à chaque fois, avec le hashtag KnessTweetUp. Alors, IRVE. Alors oui, oui, c'est prometteur. Il y a différentes... Alors après, je vais avoir du mal à élaborer. Je ne connais pas forcément très, très bien ce projet. Mais de ce que j'en ai vu... Heureusement, vous n'avez que 140 caractères, enfin 280 maintenant, pour répondre. Voilà, donc... Il y a plusieurs méthodes pour revenir de l'espace et gérer les flux thermiques qui vont avec. Alors qu'est-ce que c'est un IRVE ? Moi, je ne suis pas au courant. Alors, C'est Reentry Vehicle, donc c'est une expérience pour faire du retour de véhicules sur Terre. Oui. Et donc tester justement cette tuile avec et ce genre de choses. Avec des structures déployables. Avec des structures déployables. Ah oui, inflatable, ça veut dire... C'est une structure gonflable. Voilà, ouais. Ça fait une espèce de cône qui se déploie. Et qui, quelque part, va protéger l'étage supérieur. Au moment où il retourne sur voilà, Terre. Voilà, ça rentre le cône en avant dans l'atmosphère. Et bon, le fait que ce soit gonflable permet de ne pas avoir une structure qui prend trop de place quand vous la lancez. Donc c'est plutôt malin. Mais ça va chauffer, ça va... Si c'est un matelas gonflable comme celui que j'utilise à la plage, bon, c'est pas ça, évidemment, mais... Donc non, il faut un matelas gonflable avec d'autres matériaux que votre matelas de plage. Donc il y aurait les tuiles dessus, c'est ça? Il y aurait nos tuiles. Oui, voilà, il y a de la protection thermique. D'accord, la protection thermique, d'accord. Mais souple, par contre. Souple, voilà, c'est ça. C'est l'enjeu, en fait. D'accord. Bon, il faut tester. Ça se teste. On essaye. Moi, on parle beaucoup des fusées et tout ça. Je voulais savoir, par rapport aux ergols dont on parlait tout à l'heure, au niveau des sondes d'exploration, est-ce qu'il y a des ergols, est-ce qu'on réfléchit à des ergols qui permettraient d'aller plus vite, en fait, dans l'espace pour rejoindre des lointains, même à l'échelle du système solaire comme Saturne, Neptune, Uranus, où aujourd'hui on met quelques années pour y aller, et après au-delà, pour justement aller plus vite en fait. Alors, nos collègues du CNES Toulouse travaillent effectivement sur des nouveaux ergols pour satellites. Je ne suis pas sûr que ce soit pour la propulsion, c'est peut-être pour le contrôle d'attitude. Donc on tombe sur la séparation entre le monde lanceur et le monde satellite. Et j'ai peur de ne pas pouvoir trop élaborer sur ce que font nos collègues là-dessus. Joker, vous avez droit à un joker par soirée. Allez, je l'utilise. Je considère que vous l'avez utilisé. Allez, on fait comme ça. Attention. Oui, bonsoir. Le CNES a été majoritairement, même extrêmement impliqué dans la technologie et les anciens lanceurs de la lance spatiale européenne, notamment la famille Ariane. Aujourd'hui, dans le monde, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui développent aussi bien des micro-lanceurs, on en a parlé un petit peu, parce que ce marché explose aujourd'hui, et qui développent également des lanceurs, on va dire, extrêmes. On a parlé du SLS à la NASA, mais on peut aussi parler de BFR de Falcon, et de je ne sais plus quel nom, de Blue Origin. New Glenn, de New Origin. Voilà, donc on a ces nouveaux acteurs qui développent soit des micro-lanceurs pour un marché qui explose aujourd'hui, soit des lanceurs énormes qui ont purement des vocations interplanétaires ou d'exploration, comme on peut le voir sur cette belle station lunaire. Aujourd'hui, au CNES, je vois que Ariane 6 ressemble beaucoup à Ariane 5, c'est-à-dire on veut envoyer des satellites télécom qui sont de moins en moins lourds, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de technologies électriques. Et je vois que le Next Generation, donc la future génération d'Ariane 6, elle ressemble quand même vachement à Ariane 5 et Ariane 6. Alors quel est l'avenir des jasons spatiales comme le CNES dans les futurs accès à l'espace ? Donc, il y a les acteurs en question, effectivement, sur le micro-lancement. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est pas l'option que prennent les agences européennes, on va dire, puisqu'on cherche le prix au kilo. Donc là, effectivement, c'est à vocation commerciale, etc. Donc, par contre, c'est bien que ce genre d'initiative existe pour des besoins où les gens sont capables de payer ce prix-là et avec la flexibilité qui va avec. Et donc là, finalement, en tout cas côté CNES, on considère que ce sont des initiatives qui sont plutôt apportées par le privé. Et visiblement, le privé, en Europe, a les moyens de le faire. Il y a des initiatives, hein, notamment avec PSD, etc. Donc on les laisse faire. Par contre, on peut les accompagner dans du transfert techno, etc. Sur la partie gros machin, donc là, pour le coup, c'est quand même sur du vol habité, là. Effectivement interplanétaire, mais vol habité aussi. Et ça, c'est effectivement aussi un choix qu'a pris l'Europe spatiale, hein, pas que le CNES, de travailler plutôt sur du vol automatique, finalement non habité, et de profiter des coopérations internationales pour aller mettre des bons hommes là-haut si on en a besoin, donc ISS, etc. Donc ça, ce sont des choix assez structurants. Et après, ce qui veut dire que derrière, les choix d'accès à l'espace européen se font pour du vol institutionnel, donc on va dire par Galileo, Herschel Planck, Bepi Colombo, etc., par exemple, mais porté par du commercial pour que ça soit le moins coûteux possible par les États. Donc il y a une volonté d'accès indépendant à l'espace, toujours par l'Europe, mais la moins coûteuse possible. Ariane 6 s'intègre dans ce schéma-là. Il faut savoir qu'Ariane 6 a fait aussi un gap dans l'organisation industrielle et partage du monde entre agences et industries par rapport effectivement, comme vous l'avez dit, à l'histoire de la filière Ariane. Et donc quand on passe après je parle probablement un peu en mon nom, hein, mais quand on passe dans un changement de gouvernance, comme lâchons le mot, on passe aussi à une industrie qui devient responsable de tout et qui doit donc devenir responsable de la conception, de la qualification et ensuite de l'exploitation. Et là apparaît des choix industriels qui sont associés à un objectif de rentabilité, tout est relatif, parce que je ne suis pas sûre qu'on n'arrivera jamais à faire un lanceur rentable, mais en tout cas de rentabilité, en tout cas d'optimisation industrielle, de retombées économiques, et qui fait que ça implique des organisations industrielles dans la chaîne industrielle qui sont ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, typiquement, Ariane 6 ressemble à Ariane 5 parce que l'organisation industrielle est la même, ou quasiment la même. Donc, de fait, on garde globalement les mêmes industriels, on garde globalement les mêmes architectures auxquelles les industriels sont habitués, et on essaye d'optimiser le coût à travers une optimisation de ces différents chaînons industriels. Mais l'optimisation de l'ensemble, effectivement, aujourd'hui, en Europe, on ne le fait pas. Donc ça, c'est, on va dire, malgré tout ça, on essaye quand même de faire le plus intelligemment possible un nouveau lanceur avec un coût de lancement divisé quasiment par deux par rapport à Ariane 5. Donc déjà, si on y arrive, c'est pas mal. Mais la génération suivante, ça sera divisé par 4. Donc on essaie d'avoir le step d'après. Le step d'après, c'est par des moteurs et des coupes d'ergol plus économiquement intéressants, par des architectures qui seront plus économiquement intéressantes aussi. Donc c'est ce qu'on appelle Ariane Next, etc. Mais ça demandera fondamentalement, à un moment ou à un autre, de se reposer la question d'organisation industrielle et de l'optimisation de cette organisation industrielle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais on est d'accord. On est d'accord, dit monsieur. Est-ce qu'on peut retourner page 6? Ah oui, il y avait la deuxième question, ta deuxième question. Je veux juste retourner page 6 quelques instants, parce qu'il y a le Deep Space Transport, dont on n'a pas parlé là, à droite. C'est un vaisseau pour aller où? Et d'où à où, alors de la Terre vers la Lune? Eh bien, c'est pour aller sur Mars, le Deep Space Transport. Parce que le Deep Space Gateway, pour la NASA, et pour les agences qui travaillent avec elle, ça sert d'avant-poste pour aller sur Mars. Et donc, ce Deep Space Transport ferait la navette entre le Deep Space Gateway et l'orbite martienne. Et c'est intéressant parce que, jusqu'à récemment, la NASA a tablé beaucoup sur le nucléaire thermique pour envoyer des hommes sur Mars. C'est-à-dire, c'est encore un autre système nucléaire que ce dont j'ai parlé précédemment. C'est pas le nucléaire électrique, là. C'est pas le nucléaire électrique. C'est, vous prenez un réacteur, vous faites passer de l'hydrogène au travers, ça réchauffe l'hydrogène sans qu'il y ait forcément combustion, et vous fabriquez de la poussée avec. Ça, c'est le nucléaire thermique. Donc, encore une fois, on éjecte cet hydrogène par des tuyères. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils avaient en tête jusqu'à récemment. Et de plus en plus, c'est le vaisseau type Deep Space Transport qui apparaît. Avec de la propulsion électrique et des grands panneaux solaires pour alimenter tout ça. Ils sont tellement grands qu'on ne les voit même pas en entier. Ils sont tellement grands qu'on ne les voit même pas en entier. Oui. Voilà. Donc, Et alors, comment on va sur le Deep Space Gateway depuis la Terre? Donc là aussi, il y a un SLS et un vaisseau. Voilà, c'est le SLS qui. SLS, ça, c'est le lanceur. C'est le SLS, le lanceur, qu'on pourrait compléter par des tout petits Deep Space Transport pour faire la navette entre l'orbite basse terrestre et l'orbite lunaire. Ça, l'Europe serait capable de produire ce genre de choses. On l'a d'ailleurs proposé à la NASA. Voilà, c'est ce couple SLS et SLS ou lanceur plus petit plus un vaisseau solaire électrique pour apporter du cargo. Donc ça, c'est vraiment un projet officiel aujourd'hui NASA qui est proposé à l'Europe, au Japon et à d'autres encore. Et avec quelle chance de réussite ou de pas de réussite, mais quelle chance y a-t-il que effectivement tout le monde se mette d'accord pour mettre la main dans la poche pour sortir quelques sous et que ça avance. Alors, ça démarre en tout cas. Je pense que les réussites sont assez grandes, puisque finalement on reproduit ici le schéma qu'on avait pour l'ISS actuel, et l'ISS ça a très bien marché. Et de ce que je sais, les discussions entre la NASA et ses partenaires avancent de manière plutôt satisfaisante. Donc, plutôt grande probabilité pour que ça arrive. Ah oui, d'accord, carrément. Oui. Et vous nous la faites à combien, votre Deep Space Gateway? Ouf, ne parlons pas de choses vulgaires. Parce que l'ISS, c'est 100 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, au moins. Oui. Mm-hmm. Et là, on est à combien? On est à combien d'ISS? Voilà, on va compter en ISS entre nous. Hein. c'est plus loin, mais c'est plus petit. On pourrait tabler sur quelque chose d'équivalent, mais c'est pas très élaboré ce que je vous dis là. Je vois ça comme ça. D'accord. Mmh. Ok. Ouais. D'accord. Alors, Michel voulait poser sa deuxième question quand même. J'ai ressorti le premier bouquin que j'ai eu en anglais qui racontait le premier vol lunaire. C'était juste après la première fois que j'allais en Angleterre. Et à la fin, il y a un chapitre. Et maintenant. Et où ils disent, nous sommes plus près de Mars que nous n'étions par rapport à la Lune il y a 10 ans. Et ils disent, normalement, on devrait être sur Mars au milieu des années 80, 85, 86 à peu près. Voilà. C'est juste pour dire la valeur des... Les prévisions sont risquées, surtout quand elles concernent l'avenir, comme disait quelqu'un. Alors, donc j'aime bien voir l'évolution sur ces trucs-là, sur le contrôle de la fusion nucléaire. C'était dans 30 ans autrefois, après c'était dans 40 ans, maintenant c'est dans 50 ans, je crois. Je reviens à l'espace. Il y a un projet qui est mentionné là-dedans, dont je ne crois pas que vous avez parlé pour l'instant, c'est le fameux ascenseur spatial. Et j'en profite pour ajouter un truc encore plus tordu. Qui ressort de temps en temps. J'en ai pas entendu parler récemment. Je vais peut-être mentionner un autre par des sciences. Ça s'appelait, je crois, Orion ou quelque chose comme ça. Et c'était un système de propulsion où on éjectait des bombes atomiques à l'arrière pour se propulser derrière un bouclier de protection assez costaud. Et on pouvait aller très loin, peut-être même jusqu'aux étoiles. Alors je me demandais, est-ce qu'il y a des projets qui réapparaissent là-dessus? C'est pas que je tienne à ce que ça soit réalisé parce que ça m'inspire pas trop. Et puis, par ailleurs, parce que ça, c'est un peu anecdotique, je pense, où en est-on sur cette histoire d'ascenseur spatial? Parce que s'il est réalisé, c'est un truc génial à utiliser. Par contre, le problème, c'est d'arriver à le mettre en place, à mon avis. Et là, je ne suis pas sûr qu'on ait le début du commencement d'une solution pratique. Alors, est-ce qu'on peut regarder la page? Quel est le numéro de page là, de notre ascenseur spatial? 8, c'est ça? Page 8, s'il vous plaît. Alors, l'ascenseur spatial... D'abord, le projet Orion, on est d'accord, ça donne pas très envie. De la propulsion à base de bombes nucléaires que vous éjectez de manière régulière, alors théoriquement, ça peut marcher, effectivement, mais bon, en tout cas, nous ne travaillons pas dessus. L'ascenseur spatial, on y travaille peu aussi. On n'y travaille pas, en fait, à la DLA. Alors, l'ascenseur spatial, il y a tout un tas de difficultés. La première difficulté... Vous pouvez rappeler le principe? Alors l'ascenseur spatial, c'est vous déployez un très long câble qui va au-delà de l'orbite géostationnaire. Vous mettez un contrepoids à l'extrémité du câble pour que ça apporte de l'inertie à l'ensemble. Alors le câble, comme il dépasse l'orbite géostationnaire, il va y avoir un équilibre entre la force de gravité qui va avoir tendance à faire tomber le câble vers la Terre, et la force centrifuge due à la rotation de la Terre, qui a tendance plutôt à amener le câble le plus loin possible. Parce que le câble est accroché à la Terre, évidemment, hein, et donc la Terre, en tournant, entraîne le câble avec elle. Hein, voilà, donc le câble tourne autour de la Terre, si je puis dire. Voilà. Vous prenez un seau d'eau, vous l'attachez à une corde, vous tournez très vite sur vous-même. Ah, c'est la même chose. Et si vous tournez suffisamment vite, la corde se tend et tout ça reste bien immobile par rapport à vous. Ok. Et ensuite, et donc le long de mes bras qui vont jusqu'au seau d'eau, je peux avoir une petite souris qui monte et qui descend. Voilà. Vous pouvez avoir deux cabines, l'une qui monte, l'une qui descend. Et du coup, vous n'avez plus besoin de lanceurs. C'est la fin de lanceurs. On n'a plus besoin de lanceurs. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour l'orbite terrestre. Voilà. C'est pour ça que ça ne nous plaît peut-être pas complètement aussi. Non, je crois qu'il y a des problèmes de masse. Il y a des très gros problèmes dans tous les sens. le déploiement du câble est compliqué. On en parlait tout à l'heure, il y a de plus en plus de débris spatiaux. Si un débris percute le câble, que se passera-t-il ? Il y a suffisamment de débris pour que ce soit très problématique. Oui, parce qu'il est absolument gigantesque, hein, quand même. On est au-delà de l'orbite géostationnaire, donc il y a toutes les orbites, toutes les stations spatiales, tous les milliers de satellites qui passent le long du câble, quoi. Hein. Voilà. Et encore l'ISS, quand il voit un débris arriver, il peut faire une manœuvre d'évitement, mais là, on ne pourra rien éviter, pour le coup. Oui, on pourrait imaginer des contrôles du câble, mais bon, c'est pas évident du tout. Et puis, un des gros problèmes techniques, c'est le câble lui-même. Parce qu'il va avoir des contraintes mécaniques extrêmes sur ce câble. Il faut qu'il soit vraiment très léger et ultra résistant. Et nous n'avons pas le matériau qui convient pour faire ce genre de câble. On retombe toujours sur les matériaux. Les matériaux. Les nanotubes de carbone pourraient être un candidat. Alors, on arrivait à en fabriquer suffisamment et suffisamment long. Alors, on va bientôt s'arrêter, bientôt se quitter. Et j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur les matériaux architecturés avec Marie Jacquesson. Ça va ? Je t'en prie. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Juste avant d'arrêter. Pas encore, hein. Vous voulez revenir juste sur l'épisode du matelas ? Ah oui ? Et puis en même temps, anticiper un peu sur l'été qui arrive. Paul, tu sais bien qu'à la plage... Qu'est-ce qui se passe encore ? Allongé sur ton matelas, à côté de toi, je sais, tu dois protéger ta peau des ravages que le soleil produira. C'est vrai, j'y pense. Mais quand tu vas dans l'espace, ça m'arrive souvent, c'est bien plus que l'épiderme dont tu dois protéger du soleil la face. C'est le matelas lui-même. Ah oui, c'est vrai. Avec des tuiles protectrices, c'est vrai. Ah oui, est-ce qu'on peut quand même... Parce que ça, vous m'avez étonné, Marie et Jackson, quand on a parlé, quand on a préparé cette soirée. Les matériaux architecturés, la page 14. On va s'arrêter quand même 2 minutes, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est tout à fait étonnant. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il retourne ? En fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'un matériau ne soit pas uniquement utilisé pour une fonction, c'est-à-dire par exemple sa tenue ou sa rigidité, mais qu'on puisse y insérer d'autres fonctions, par exemple une fonction d'amortissement, d'isolation thermique ou de conductivité électrique. Alors, on va s'arrêter juste une petite seconde. D'amortissement, par exemple, aujourd'hui, on a des lanceurs avec des panneaux en alliage d'aluminium, etc. Et il faut pas trop que ça vibre, donc il faut amortir ces vibrations. Comment est-ce qu'on fait pour amortir les vibrations aujourd'hui qui se propagent évidemment dans ces panneaux en alliage d'aluminium ? Alors, les vibrations sont issues de la propulsion, oui. Et elles sont encore plus pénible lorsqu'il s'agit de la propulsion à propergol solide, donc notamment les boosters qu'on a sur Ariane 5 par exemple et qu'on aura aussi sur Ariane 6. Donc on travaille d'abord sur une architecture, encore une fois lanceur. Alors non, mais je veux juste qu'on s'arrête parce que parce qu'on a des mousses, hein, c'est ça qu'on rajoute. Alors effectivement, si on va directement, il y a les aspects système élastomère par exemple qu'on utilise directement en pied d'équipement qui sont particulièrement sensibles aux vibrations et qu'on va venir mettre en interface. Donc aujourd'hui, pour absorber ces vibrations, on rajoute de la masse, hein, finalement. Et alors là, finalement, ces matériaux qui serait structurel incorporerait une fonction d'absorption des vibrations. Voilà, c'est l'idée. Donc l'idée, ouais, par exemple, c'est qu'on pourrait avoir des matériaux qui serviraient à transmettre les efforts, donc qui seraient constitutifs d'une structure ou d'un élément structural. Et donc mais c'est ce qu'on aurait... a en C, là, par exemple. Voilà, ça ressemblerait à ça. Hein. On a effectivement la structure de ces matériaux-là. Et ces matériaux-là seraient organisés d'une telle manière qu'ils auraient effectivement intrinsèquement une fonction d'amortissement, dans le sens où les vibrations seraient filtrées à travers l'architecture même de ce matériau. Alors donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalisation des matériaux. C'est-à-dire que les matériaux ne servent pas simplement à tenir, là en l'occurrence, un système ou à transmettre la poussée du moteur, mais vont avoir d'autres fonctions. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, alors, vous avez parlé de l'absorption des vibrations. Il y a d'autres fonctions qu'on pourrait intégrer ? On pourrait imaginer aussi que quand vous voyez, par exemple, effectivement, sur la petite figure C, là, ce matériau, il faut imaginer qu'on aura la même tenue, la même rigidité qu'un matériau complètement plein. Et homogène comme un bloc d'alu par exemple. Là ce qui est intéressant c'est qu'on a potentiellement plein d'espace entre les mailles de ce matériau, et ce qui veut dire que quand on est dans l'espace, cet espace étant vide, il peut avoir une fonction naturellement d'isolation. Ou on pourrait imaginer introduire isolation, un autre type thermique. Isolation thermique. Donc un matériau comme ça pourrait ne pas conduire la chaleur. Il pourrait, voilà, en tout cas limiter énormément par rapport à l'équivalent d'un bloc homogène et plein. Quoi. D'accord. Et évidemment on a des problèmes thermiques, on a des problèmes de conduction de chaleur dans un... dans un lanceur avec un moteur à 1000 degrés ou que sais-je. Ou un environnement quand on traverse l'atmosphère, on chauffe. On est là-haut, oui. Lorsqu'on est au soleil, on est très chaud. Lorsqu'on est à l'ombre du soleil, on est froid. On a la cryogénie à bord, etc. Donc effectivement, ouais, on a toujours ces deltas de température à gérer à des dimensions différentes. Donc isolation thermique, absorption des vibrations, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer encore comme fonction ? Alors, on pourrait aussi imaginer qu'on a aussi des couplages de matériaux, qu'on puisse remplir ces différentes alvéoles là avec d'autres matériaux qui permettraient, par exemple, de conduire l'électricité. Ah, même oui, si toutefois, déjà, ces matériaux-là pourraient eux-mêmes conduire l'électricité. Ah, on imagine que ces matériaux eux-mêmes pourraient servir de câble, finalement. Ils pourraient servir de câble. Ah, oui. Servir de câble. Donc, servir en plus, on se passerait de câble. Transmission d'information. Donc, câble de puissance ou oui, câble de transmission d'information. Ah oui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalisation. Voilà. Donc, matériaux architecture, il manque un E. Vous avez remarqué, merci. alors racontez, on est à quelles échelles là? Et en A, qu'est-ce qu'on voit là, l'image A? Et puis, on a l'image D aussi. L'image A, c'est une représentation schématique de ce que pourrait être une maille. Oui. Donc, ces mailles-là, l'intérêt, c'est de jouer sur les géométries pour justement introduire ces différentes fonctions, notamment les aspects rigidité différenciés dans les différentes directions. La tenue différenciée également. Donc là, on joue aussi un peu comme sur les composites en orientant les propriétés du matériau sur ces mailles-là. Et ce sont des micro-mailles qu'on assemble ensuite avec des orientations et une densité potentiellement évolutive pour justement avoir un matériau avec des gradients de propriétés. Donc au-delà des multipropriétés, il peut aussi y avoir des gradients, puisque la densité de ces mailles-là peut être évolutive. D'accord. Voilà, à tel endroit de mon panneau, si c'est un panneau par exemple, là je vais avoir davantage de matériaux, là moins, voilà, etc. Exactement. Okay. Et alors là, par exemple, en C, ça a quelle dimension typiquement ce qu'on voit là? Parce que là, je l'imagine pouvoir le prendre dans la main et voilà, que ça remplit ma main. C'est effectivement ça. Là, la maille, elle fait aux environs de 5 mm, je dirais. D'accord, donc c'est pas tout petit. Non, c'est énorme. Mais voilà. Mais par contre, ça peut avoir des applications intéressantes pour les lanceurs, notamment sur des fonctions d'amortissement, notamment. Ah oui. Éviter ces plots élastomères ou ces systèmes un peu complexes d'élastomères qui sont pénibles à gérer avec la thermique et puis la reprotectivité des matériaux, élastomères, etc. Bon, j'en passe et des meilleurs. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce type de matériaux et ce type de structure, c'est qu'on est capable maintenant de le fabriquer par fabrication additive. Ça, c'est l'intérêt. C'est l'imprimante 3D. Ouais. Voilà, pour les métalliques ici. Ces formes complexes, l'intérêt, c'est qu'elles sont effectivement reproductibles et qu'on peut les fabriquer par couches et avoir ce genre de matériaux et de structures qui est directement fabriqué one shot sans avoir besoin de réusiner, etc., etc. derrière. Et ce qu'on peut imaginer à terme, c'est que ces impressions 3D auront de plus en plus de précision et qu'on peut du coup aller de plus en plus vers la diminution de ces mailles et donc avoir une précision aussi dans les matériaux encore plus fine, si besoin. Alors on va se quitter dans quelques instants. Je sais qu'il y avait encore des questions, désolé, mais je pense que Marie Jackson et Monsieur Masson vont rester encore quelques instants pour y répondre. comme c'est la dernière de l'année, je voudrais quand même qu'on remercie quelques personnes. La première personne à qui je pense, c'est, il a repris les Mardis de l'espace. Il est du CNES, il est avec moi. Moi, on me voit parce que je parle beaucoup. Et puis lui, il est derrière et il fait énormément de choses. C'est Jean-Gabriel Leparly. Est-ce qu'on peut le remercier, s'il vous plaît? Ah, il y a Xavier qui nous accompagne. Xavier, vous le connaissez bien, mais il est toujours aussi excellent. Il s'est permis quelques incartades ce soir, mais on aime bien ça. Xavier, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, il nous a rejoint cette année en remplacement de Julien. Il s'occupe du son, c'est grâce à lui si on s'entend si bien tous ensemble les mardis. C'est Raphaël. Voilà, c'était une bonne idée de terminer les mardis cette saison avec un sujet sur l'accès à l'espace, quelque chose d'un petit peu futuriste. Donc vous avez compris que l'année prochaine, on repart pour une belle saison. Et le premier, ce sera normalement, à moins de changement, ce sera le 16 octobre. On va parler donc de Kourou, le CSG, où il se passe énormément de choses. Et notamment, on est en train de préparer le pas de tir d'Ariane 6 actuellement. Donc c'est la grosse actu, on va pouvoir en parler. Ce sera en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. On va parler de Bepi Colombo, de InSight qui part sur la planète Mars pour faire de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? De la sismographie, voilà, de la sismologie, exactement. On va parler d'astéroïdes, de Taranis. On va parler d'avenir, toujours l'année prochaine. Et ceux qui nous en ont extrêmement bien parlé et puis qui nous ont permis de voyager dans le temps et puis d'exploser nos frontières, merci beaucoup de les remercier, s'il vous plaît. C'est Marie Jackson et Frédéric Masson. J'oublie en général à chaque fois de me présenter. Donc je suis Paul Debrême, animateur d'événements scientifiques et techniques, et j'étais ravi d'être avec vous encore une fois cette année. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.